بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc avant de commencer, je voulais vous faire part d'une petite faïda. C'est que en ce moment je lis le livre Zad al-Ma'ad. Qui c'est qui a déjà entendu parler de Zad al-Ma'ad? Qui connaît? Ahmed. Voilà, Ibn Qayyim al-Jawziyya. En fait, Zad al-Ma'ad, c'est un livre donc, de Ibn Qayyim al-Jawziyya. En fait, Ibn Qayyim al-Jawziyya, son nom il est un peu bizarre. Je vais vous expliquer son nom. Qayyim, ça veut dire le responsable. Al-Jawziyya, c'était une école qui s'appelait al-Jawziyya. Son père, on l'appelait Qayyim al-Jawziyya, le responsable de l'école. Donc on l'a appelé, lui, Ibn Qayyim al-Jawziyya. Donc des fois, pour résumer, on dit Ibn al-Qayyim. Je fais passer ça au frère Mahdi. Hein? Pour Mohamed. Salam. Et subhanallah, ça m'a rappelé une histoire que je connaissais. J'avais un ami qui étudiait à Riyad, à l'université de Riyad. Et il fréquentait souvent un grand savant qui s'appelait Abdullah al-Rudayyan, qui est décédé il y a un ou deux ans, rahimahullah. Et un jour, il a été témoin d'une scène. C'est qu'un étudiant, il a demandé à ce savant, « Cheikh, est-ce que tu peux me conseiller un livre sur le minhaj ?» Mais lui, quand il dit minhaj, il entend par là, ce que vous savez, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, lui, il entend par là un minhaj, genre il veut un truc sur les sectes et tout ça. Et le cheikh, il lui a dit, « Tu veux connaître le minhaj du prophète ?» Sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il a dit, « Ouais, c'est ça. » Il a dit, « Lis Zad al-Ma'ad. » En fait, Zad al-Ma'ad, qu'est-ce que c'est? À ma connaissance, c'est un livre unique. C'est le seul livre qui est comme ça. Des livres de Sirah, il y en a plein, des livres de Fiqh. Zad al-Ma'ad, c'est le seul livre comme ça. En fait, qu'est-ce qu'il a fait dedans Ibn al-Qayyim? Il explique la personnalité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et sa sunna de A jusqu'à Z, par sujet. Donc, ce n'est pas un livre de Sirah. La Sirah, qu'est-ce que c'est? C'est la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça commence par sa naissance, etc. C'est pas un livre de sirah, mais dedans il y a toute la sirah. Et c'est pas non plus un livre de hadith comme Sunan Abi Daoud, mais dedans il y a tous les hadiths, enfin toute la sunna et un grand nombre de hadiths. En fait, il y a, si vous voulez, c'est comme un livre qui vous dit tout sur le prophète. Donc par exemple, au début il parle de son origine, après il parle de sa famille, après ça va jusqu'à parler de ses vêtements, ses meubles, tout. Qui étaient ceux qui montaient sa garde. Ça va jusqu'à des sujets comme ça. Par exemple, là en ce moment, je suis arrivé au chapitre de Qiyamul Layl, c'est-à-dire comment il priait la nuit. Et il détaille tout avec les hadiths, comment il faisait le witr. Et là, je suis arrivé à Salat al-Duha. Donc ceux qui ont la chance de lire l'arabe, il faut le lire celui-là. Il est facile à lire. Il est facile, juste quelques passages. Pour vous, peut-être ça va être difficile, dans le sens où des fois, il parle de l'explication de l'authenticité des hadiths. Bon, c'est tout. S'il y a des passages que vous ne comprenez pas, vous passez. Mais la majorité du livre, c'est un livre facile. Zad al-Ma'ad, c'est un livre facile. Et son résumé, il existe en français. Son résumé, il a été écrit par Mohamed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Et ça montre l'intelligence de Mohamed ibn Abdel Wahhab. Mohamed ibn Abdel Wahhab, lui, il avait le niveau, s'il voulait, il pouvait écrire lui des livres comme Zad al-Ma'ad, des grands livres comme ça. Mais il a écrit que des petits livres. Pourquoi? Parce que il a compris qu'un alim, un savant, il est là pour répondre aux besoins des gens qui sont devant lui. Lui, si vous avez lu un peu la vie de Mohamed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, c'était dans la péninsule arabique, c'était dans les années, la fin des années, donc 1200, donc 1700, je crois, quelque chose comme ça, à peu près en même temps que la Révolution française. Et c'était une période de grande ignorance dans la péninsule arabique, ce qui est maintenant l'Arabie Saoudite. Avant, ils adoraient les mausolées, les sorciers, ils avaient pignon sur rue, etc., etc. Et c'était dirigé par plein de tribus qui se faisaient la guerre. C'était un peu revenu comme à l'époque. Ça ressemblait à la Jahiliya. Donc à quoi ça servait pour des gens comme ça d'écrire des livres en 15 tomes? Ça sert à rien. Donc lui, il a écrit des livres faciles d'accès au commun des gens. Donc par exemple, Zad al-Ma'ad, on va pas dire qu'il est dur, mais il est un peu long, mais il a résumé. Tout musulman, il peut lire le résumé de Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Donc je vous invite à l'acheter, à le lire. Je crois qu'ils l'ont appelé résumé de Zad al-Ma'ad, mais je ne suis pas sûr. Tu l'as? Inch'Allah. En fait, tu mets résumé de Zad, Z-A-D, Al-A-L, Ma'ad, M-A, après je ne sais pas comment ils écrivent ça. M-2-A-D. M-2-A-D. Et voilà, vous allez trouver facilement. Sinon, tu demandes à Ahmed, il va te montrer, Inch'Allah. Voilà, c'était pour la. En fait, sachez que j'ai toujours rêvé de faire un club de lecture. Mais bon, c'est pas évident à mettre en place. Puis en plus, il faut quelqu'un qui. Voilà, faut. Mais ça sera intéressant. Chacun y lit de son côté. Et de temps en temps, voilà, on discute de ce qu'on lit, etc. Ça, c'est une bonne idée. Bien sûr, des lectures, soit dans la religion, dans la langue arabe ou autre. Et sachez encore une fois une autre information pour ceux qui bénéficient de la langue arabe. Il existe un site, ça vient encore de l'Arabie Saoudite, ça je fais pas exprès, hein, c'est parce que la plupart des choses intéressantes, la production scientifique intéressante, elle provient de là-bas la plupart du temps, qui s'appelle Ad-Durar As-Saniya. C'est géré par un savant qui s'appelle Alaoui Saqqaf. Et c'est un site donc avec, dedans vous pourrez trouver, pour les arabophones, vous pourrez trouver par exemple Mawsu'atul Akhlaq. Donc c'est gratuit. C'est gratuit. Vous allez sur le site et vous lisez autant que vous voulez. Mawsu'atul akhlaq, c'est-à-dire tous les comportements louables ou détestables dans l'islam. Comme si c'était un dictionnaire. Par exemple, la générosité, l'hospitalité, la patience. Et ils vous amènent là-dessus leurs définitions, les hadiths, les versets. Ça, c'est une mawsu'a. Après, il y a mawsu'atul tafsir. Il y a mawsu'atul hadith. Il y a mawsu'a, ça veut dire encyclopédie. Et dedans, ils ont une rubrique, ça s'appelle Kitabul Usbu'. C'est-à-dire chaque semaine, ils montrent un livre qui est sorti récemment et ils en font un résumé qui conseille. Et chaque mois, ils sortent une autre rubrique qui s'appelle Kitabul Shahr, Ardun wa Naqd. En fait, ils choisissent un livre qui est un peu connu ou qui a fait du bruit et ils le critiquent. C'est-à-dire, ils disent ce qu'il y a dedans qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ils en font une synthèse, un peu comme on connaît ici les synthèses, les critiques littéraires et tout ça. Voilà, tout ça, c'est pour ceux qui bénéficient de l'arabe. N'hésitez pas, il faut pas se contenter du cours du dimanche. Il faut chercher, il faut lire. Donc, ça s'appelle Ad-Durar As-Saniya. Ad-Durar As-Saniya. Bon, nous, on revient à notre programme à nous, qui est tout aussi bien, Inch'Allah. Donc, on devait faire Sourate Ad-Duha. Ad-Duha qui veut dire la matinée, le début du jour. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-Duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Donc, dans cette sourate, Allah dit au début Wad-Duha. Ce qui signifie je jure par le matin, par le début du jour. Donc, Allah a juré par ce moment qui est spécial, qui est le moment de haraka, du mouvement. Le moment de l'activité. Et ensuite, il a juré par le contraire. Wallayli idha saja. Et je jure par la nuit lorsqu'elle. Le verbe en arabe, c'est saja. Saja, ça inclut deux sens. Es-sukun, le calme. Wat-tartiya, et le fait de recouvrir. Donc en fait, Allah a juré par la nuit quand elle est calme. C'est-à-dire vraiment quand la nuit, elle s'est, entre guillemets, bien installée. Que les heures sont passées et qu'on n'entend plus un bruit, et que la nuit elle recouvre les gens. Donc il a juré pardon, par deux opposés. Le matin, qui est le début du jour, qui est le moment de la clarté et le moment de l'activité, et par son contraire, qui est la nuit lorsqu'elle est calme et lorsqu'elle recouvre tout le monde. Sur quoi a-t-il juré? C'est dans le troisième verset. Pourquoi est-ce qu'Allah a juré? Pour dire Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadda'aka, ici c'est dans le sens tarakaka. Ton Seigneur ne t'a pas délaissé. Wama qala, et il ne t'a pas détesté. Qala, ça signifie abrada. Il est intéressant de parler de la raison pour laquelle ce verset a été révélé, la sourate. Dans Sahih al-Bukhari, il est rapporté que un jour, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé malade à partir d'une blessure qu'il a eue dans le doigt. Et pendant 3 nuits, il n'a pas récité le Coran la nuit. C'est-à-dire que le prophète était connu pour prier la nuit. Et on l'entendait réciter de dehors. Ça, tout le monde le savait, les musulmans et les mouchriquins. Et puis, pendant 2 ou 3 nuits, la version a dit 2 ou 3 nuits, il n'a pas prié. Alors, sa grande ennemie, Umm Jamil, qui était la femme de Umm Jamil, Abu Lahab. Donc, on a déjà parlé d'elle dans l'explication de Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Elle est venue, elle lui a dit, ça va, j'ai l'impression que ton shaitan t'a laissé. Parce qu'elle disait que c'est un shaitan, un diable qui tournait autour du prophète et qui lui révélait toutes ces choses qu'il disait. Donc elle lui a dit, j'ai l'impression que ton shaitan il t'a délaissé. Et il est rapporté également d'autres histoires, d'autres versions, qui disent que à certains moments, quand la révélation elle se faisait plus rare, eh bien les mouchriquins ils se moquaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, ça y est, ton Seigneur il t'a délaissé. Donc Allah leur a répondu par cette sourate. Il a dit, وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Et quand Allah dit, ton Seigneur ne t'a pas abandonné et ne t'a pas détesté, qu'est-ce que ça implique? Ça implique, à votre avis, le contraire. Le contraire. Quand Allah fait des éloges dans le Coran en disant une négation, bah ça implique le contraire, dans sa plus belle forme. Donc ton Seigneur ne t'a pas abandonné, qu'est-ce qu'on en comprend? C'est qu'au contraire, il est avec lui, et il va le soutenir jusqu'au bout. Et il ne t'a pas détesté, c'est qu'au contraire, Allah l'aime énormément. Au point de avoir fait de lui son Khalil, comme il a fait d'Ibrahim, son Khalil. Le mot Khalil en arabe, il signifie, vous connaissez tous le mot Habib. Habib, ça veut dire quelqu'un que tu aimes. Eh bien, Khalil, c'est un stade au-dessus. Parce que l'amour en arabe, il a beaucoup de sens, beaucoup de mots, pardon, pour le définir, selon son degré, selon son genre aussi, sa nature. Et le plus haut point de l'amour, c'est Al-Khulla. Donc Al-Khalil, c'est celui que tu aimes au plus haut point, plus qu'un simple ami ou un simple Habib, entre guillemets. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'avant lui, son ancêtre Ibrahim, alayhi salat wa salam, tous les deux ont été élus par Allah en tant que Khalil. Ensuite, Allah dit, pour rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui montrer sa promesse également, وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Et l'au-delà, donc l'akhira, en arabe, qu'est-ce que ça veut dire l'akhira? La dernière. On traduit en français par l'au-delà, c'est-à-dire la vie dernière, après la résurrection. خَيْرٌ لَكَ est meilleur pour toi, minal oula, que la première. C'est-à-dire qu'Allah lui promet que son existence après la mort sera meilleure que son existence ici-bas. C'est-à-dire qu'à travers ça, il lui promet bien sûr le paradis, le pardon et sa satisfaction. Ça, c'est de sorte à rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à assister le prophète et à le faire se réjouir. Et c'est également pour ça, pour ce genre de verset, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un grand zahid. Zuhd, c'est ce qu'on étudie dans le troisième cours. Le plus grand des Zahidines, c'était le prophète Mohammed. Le plus grand Asset, si on peut dire, c'est pas Asset le vrai mot pour dire Zahid, mais c'est pas grave, on dit Asset pour vous me comprenez. C'est-à-dire celui qui se détourne du bas monde. Le plus grand, c'était le prophète Mohammed. Et qu'est-ce qui l'a poussé à être comme ça? C'est notamment qu'Allah lui a dit, voilà l'akhiratu khayrun laka min al-oula. Parce qu'il savait que l'au-delà était meilleur pour lui que la vie présente. Donc la vie présente, il n'y donnait pas de grande importance. Et bientôt ton Seigneur va te donner jusqu'à ce que tu sois satisfait. Ça encore une fois, c'est un peu une répétition du verset précédent. C'est-à-dire pour montrer que dans l'au-delà, il va recevoir énormément de récompenses, de donations de la part d'Allah jusqu'à être satisfait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu cette promesse déjà de son vivant. Ensuite, Allah dit, il rappelle au prophète certains de ses bienfaits. Et vous allez voir que, donc, il lui rappelle certains de ses bienfaits, et après, il lui dit de faire certaines choses, en se rappelant de ces bienfaits-là. Donc, Allah lui dit, Alam yajid kayatiman fa awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et t'a donné refuge? Awa, ça veut dire donner refuge. Awa, le verbe awa, c'est se réfugier. Par exemple, tu dis Awa ar-rajulu ila al-ghar. L'homme s'est réfugié dans la grotte. Mais Awa, si tu allonges le alif, c'est donner refuge à quelqu'un. Par exemple, Muhammadun Awa Zaydan. Mohammed a accueilli, a donné refuge à Zayd. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui rappelle ce bienfait. C'est qu'il est. Il est né orphelin, puisque son père, selon les versions les plus fortes, est mort. Les versions les plus authentiques, elles disent que son père est mort quand il était encore dans le ventre de sa mère. Donc il est né orphelin. Mais il a toujours trouvé autour de lui, eh bien, de quoi? De la chaleur humaine, etc. Et des gens qui s'occupent de lui. Donc d'abord par sa mère, puis son grand-père, puis son oncle Abu Talib, qui l'a assisté même quand il est devenu prophète. Donc Allah lui rappelle ce bienfait. Ah ouais. Comme quoi, ça nous montre quoi? Quelle leçon on retire aussi de ça? C'est que le fait d'avoir une famille, le fait d'avoir un père, le fait d'avoir une mère, ou même si quelqu'un est orphelin, mais il a trouvé quelqu'un pour s'occuper de lui, que ce soit de sa famille ou pas, eh bien il doit se rappeler que c'est un grand bienfait d'Allah. Et qu'il pense à ceux, soit qui ont des parents mais qui les laissent, ou alors qui n'ont pas de parents, et en plus ils trouvent personne pour s'occuper d'eux. Ça, c'est quelque chose, on n'y pense pas, nous. On croit que c'est normal. Mais, certes, c'est normal que les parents s'occupent de toi, mais de la part d'Allah, c'est un grand bienfait. Il faut s'en rappeler. Allah l'a rappelé à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que, de premier abord, quelqu'un qui lit sa vie, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait plutôt, oh le pauvre, il est né orphelin. Pourtant, Allah lui a dit, lui a rappelé comme un bienfait. Tu es orphelin, mais Allah t'a donné un abri, il t'a donné refuge. Ensuite, et il t'a trouvé égaré et t'a guidé. Égaré, c'est-à-dire qu'il ne savait pas la vérité. Il savait que l'adoration des idoles, c'était faux. Il était loin des turpitudes. Mais la vérité, dans le sens où, en quoi est-ce qu'il faut croire et qu'est-ce qu'il faut faire, avant de recevoir la révélation, le prophète, il ne le savait pas. Comme Allah lui a dit dans un autre verset, Ma kunta tadri mal kitab wala iman. Tu ne savais pas ce qu'est le livre, ni la foi. Avant ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas savoir qu'il fallait croire aux anges, au jour dernier, au livre qu'Allah a révélé. Tout ça, il ne le savait pas. Donc c'est ça le sens de il t'a trouvé égaré. Pas égaré dans le sens où il faisait, il pratiquait le faux et il croyait au faux. Pas dans ce sens-là. Mais plutôt dans le sens jahil. Il ne savait pas. Comment on l'explique comme ça? Grâce à l'autre verset. L'autre verset qui dit Ma kunta tadri mal kitab ou al iman. Tu ne savais pas ce qu'est le livre ni la foi. C'est ça le sens de dal ici. Pas dal dans le sens où il croyait aux idoles ou alors il commettait des péchés. Le prophète n'était pas de cette sorte-là. Donc Allah lui rappelle ce bienfait. Tu étais ignorant, tu ne savais pas, et il t'a fahada, il t'a guidé. Wa wajadaka a'ilan. Il t'a trouvé a'il. A'il, ça signifie faqir. A'il, c'est dans le besoin. Il t'a trouvé dans le besoin. Fa'arna, et il t'a enrichi. Arna, on peut le traduire plutôt que par enrichi, dans le sens où il t'a mis à l'abri du besoin. Parce que être rani, c'est être à l'abri du besoin. Donc arna, c'est mettre quelqu'un à l'abri du besoin. Donc certes, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était du clan le plus noble de Quraysh, Bani Hashim. Mais Bani Hashim, c'était des gens plutôt de conditions modestes, plutôt pauvres. Mais par la suite, dans sa jeunesse, il s'est enrichi. Et notamment quand il a été, quand il a travaillé pour celle qui allait devenir sa femme, qui était Khadija, radiallahu anha. Donc ici, Allah lui a rappelé quel bienfait. Le fait que, malgré qu'il soit né orphelin, il lui a donné refuge. Il était ignorant, il l'a guidé. Il était pauvre, et il l'a enrichi, et mis à l'abri du besoin. Donc après, regardez, Allah dit, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Le fa ici, fa ammal yatim. Le fa, quand une phrase elle commence par fa, ça veut dire qu'il y a un lien avec ce qu'il y a avant. Donc que dit le verset? Fa ammal yatim, quant à l'orphelin, fala taqahar. Qahara, ça veut dire dominer. Ne le domine pas, c'est-à-dire ne l'écrase pas, ne le méprise pas, ne l'humilie pas. Donc regardez le lien. C'est comme si Allah lui disait, toi-même tu étais orphelin. Et Allah t'a donné refuge. Donc l'orphelin, ne le méprise pas. Donc ça, on peut en retirer une qaïda qui est plus grande. Pas seulement avec l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, etc. Mais une morale qu'on retire de cette sourate, c'est Rappelle-toi de des bienfaits d'Allah sur toi, et donc ne méprise pas les autres, ne méprise pas le pauvre, etc., etc. Un peu comme lorsqu'Allah a dit dans la sourate An-Nur, quand certains compagnons ont participé à la calomnie dont a été victime à Aïcha, radiallahu anha, et par la suite ils ont été punis, et il y avait un homme parmi eux, Abou Bakr, qui vivait grâce à l'aide d'Abou Bakr, c'est-à-dire il n'avait rien, et c'est Abou Bakr qui dépensait pour lui. Il l'entretenait lui et sa famille. Et quand il a participé à la calomnie, ce qu'on appelle en arabe l'ifk, Abou Bakr il a arrêté de dépenser pour lui. Et après, dans la sourate An-Nur, Allah a révélé un verset pour Abou Bakr, pour lui dire de continuer à dépenser pour cette personne. Et Allah a conclu le verset en disant: Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum? C'est-à-dire, n'aimez-vous pas vous-même qu'Allah vous pardonne? Comme vous, vous aimez qu'Allah vous pardonne, pardonnez aux autres. C'est un peu le même sens. C'est-à-dire que l'être humain, il doit se rappeler des bienfaits d'Allah, et ça va l'aider à traiter correctement les autres. Donc regardez ici, Allah rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu étais orphelin, et trois versets plus tard, il lui dit, donc l'orphelin, ne le rabaisse pas, ne le méprise pas, parce que toi-même, tu sais ce que c'est d'être orphelin. Wa amma sa'ila fala tanhar. Et celui qui demande, ne le nahara, c'est comme repousser. Encore une fois, c'est le mépris, c'est-à-dire le fait de le repousser avec mépris. Et celui qui demande, ne le repousse pas. Donc celui qui demande, il peut demander quoi? Allah a dit ici, au début, qu'est-ce qu'Allah lui a dit? Fa'awa, par exemple, il peut demander le refuge. Wa wajadaka dallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. C'est-à-dire, quand on y réfléchit, Allah lui a dit, il t'a trouvé orphelin et t'a donné refuge. Et après, il lui dit, donc l'orphelin, ne le méprise pas. Après, qu'est-ce qu'il lui a rappelé? Le huda, deux bienfaits, la guidée, la guidance plutôt, et al-rina, la richesse. Donc ces deux-là, ils correspondent à ce verset-là. Wa amma sa'ila fala tanhar. Celui qui demande, ne le repousse pas. C'est-à-dire, celui qui demande à savoir, ne le repousse pas, parce que toi-même, tu étais ignorant et Allah t'a guidé. Donc ce verset-là, il correspond à deux versets qui précèdent. Et celui qui demande l'argent, ne le repousse pas. Pourquoi? Parce que dans le verset d'avant, qu'est-ce qu'Allah lui a dit? Il t'a trouvé dans le besoin et t'a mis à l'abri du besoin. Donc ça englobe celui qui demande dans le domaine de la religion et du savoir. Donc Allah dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne le repousse pas. Et effectivement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était de cette façon. C'est-à-dire que quand quelqu'un lui venait, même parfois c'était des bédouins qui venaient, ils se comportaient mal avec lui, et lui, il gardait toujours son calme. Et toujours, il accueillait les gens qui venaient poser des questions sur la religion. Il disait la vérité, mais ils n'avaient pas à avoir peur de lui, par exemple, ou à être gênés, parce qu'il était toujours ouvert pour celui qui venait interroger sur la religion. Et celui qui demande de l'argent, la même chose. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand les gens venaient lui demander l'argent, notamment l'argent, c'est-à-dire du trésor public, ce qu'on appelle Baytul Mal, c'est-à-dire le trésor public, puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait inventé le Baytul Mal et le muslimin, le trésor public des musulmans. Et des gens venaient lui demander, en disant, on est dans le besoin, donne, donne. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donnait. Et il donnait, il donnait, il leur disait, tant que j'ai, je vous donnerai, et vous ne me trouverez jamais avare. Donc effectivement, il était de cette façon. Donc, quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui a un savoir, par exemple, il ne doit pas repousser les gens qui lui posent des questions. Il doit se rappeler que lui, avant aussi, il a dû poser plein de questions pour devenir comme il est. Celui qui à qui quelqu'un vient mendier, etc., eh bien, il ne doit pas repousser le mendiant, parce qu'il doit se rappeler que peut-être lui aussi, avant, il était pauvre, par exemple. Donc ça, c'est une morale qu'on retire de cette sourate. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Et le dernier verset dit, et quant au bienfait de ton Seigneur, fahaddith, c'est-à-dire, parle-en. Ça aussi, c'est une façon d'être reconnaissant envers Allah, c'est de parler de ses bienfaits, de tous ses bienfaits. Donc, si on parle des bienfaits d'Allah, pas dans le sens où on se vante, pas dans le sens où on fait de l'ostentation, eh bien c'est quelque chose de demandé. Et ça fait partie du choukr, la reconnaissance envers Allah, de parler de ses bienfaits. Par exemple, ça peut être que ce soit les bienfaits matériels, que ce soit les bienfaits du point de vue du savoir. Par exemple, imaginons l'exemple de quelqu'un qui a appris le Coran par cœur. Est-ce qu'il le dit aux autres ou pas? S'il le dit pour montrer qu'il a appris le Coran par cœur, non. L'ostentation, non. S'il le dit parce qu'il est content et il veut exprimer le bienfait d'Allah envers lui, dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là, il n'y a pas de mal. Pour parler des bienfaits d'Allah. Ça entre dans Ash-Shukr, dans la reconnaissance envers Allah. On fait la sourate suivante, comme je vous avais dit la dernière fois, qui est sourate Ash-Sharh. Ash-Sharh qui veut dire le fait d'ouvrir. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasharah laka sadrak. Donc la sourate, elle ressemble à celle d'avant. C'est-à-dire qu'au début de cette sourate, Allah rappelle au prophète certains de ses bienfaits. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui dit, Alam nasharah laka sadrak. N'avons-nous pas ouvert ta poitrine? Qu'est-ce qu'on appelle en arabe inshirah al-sadr, le fait d'avoir une poitrine ouverte. En français, ça ne se dit pas ça. En arabe, ça veut dire le fait d'avoir un cœur large. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Allah rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce bienfait envers lui, c'est de lui avoir donné un cœur large. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur large? Eh bien, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a fait que son cœur était assez large et apte à recevoir la révélation, par exemple, et à mémoriser toute la révélation qui lui a été transmise. Son cœur, il était assez large pour patienter vis-à-vis de toutes les épreuves qu'il a endurées. Son cœur, il était assez large pour endurer les nuisances des gens, et même des musulmans parfois, qui pouvaient parfois manquer de politesse envers lui, comme les bédouins, comme quand un bédouin il est venu, il l'a tiré par le col. Il lui a dit donne-moi des aumônes. Et lui, il a souri. Ça, c'est avoir un cœur large. C'est-à-dire qu'il était assez large pour supporter tout ça. Et également, on sait que ça, c'est l'ouverture abstraite. Et il y a une ouverture concrète. On sait dans la Sira que quand le prophète était petit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a envoyé deux anges pour ouvrir sa poitrine et laver son cœur pour remplir sa poitrine de hikma, c'est-à-dire de sagesse et de foi. Donc également, ce verset, il fait allusion à ça. Wa wada'na 'anka wizrak. Wada'na 'anka, c'est-à-dire, et nous t'avons débarrassé de wizrak. Qu'est-ce que ça veut dire, le wizr? Le péché. Nous t'avons débarrassé de ton péché. Alladhi anqada dhahrak. Qui a fait plier ton dos. Anqada, c'est-à-dire qui pesait sur ton dos. Donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie la même chose que dans surat Al-Fath, quand Allah lui a dit Allah te pardonnera tes péchés passés et tes péchés futurs. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit qu'il lui pardonnait ses péchés passés et futurs. La question ici qui vient à l'esprit tout de suite, qu'est-ce que c'est? Ah bon, parce que le prophète il faisait des péchés sallallahu alayhi wa sallam? La réponse c'est oui, puisque c'est écrit dans le Coran. Mais quel péché? Allah n'a pas détaillé. Donc nous, on se contente de dire comme Allah il a dit. Maintenant, si on lit sa sira, on ne trouve pas de péché. N'est-ce pas? Donc ça peut être des péchés par rapport à son degré à lui. Ce sont des péchés, et si c'était pour nous, ce serait rien du tout. Mais ça reste des péchés entre lui et Allah. Donc on n'a aucun doute que, de toute façon, ces péchés dont Allah a parlé ici, c'est les péchés les plus mineurs qu'on puisse imaginez. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça restait un être humain. C'était un être humain, avec une nature humaine. Et la nature de l'être humain, c'est de commettre des erreurs et de commettre des péchés. Du point de vue de la prophétie et de la transmission du message et de l'exemple, il était ma'soum. Il était protégé et il était, comment on dit déjà ma'soum, infaillible. Barakallahu fik. Il était infaillible. Mais Allah a pourtant dit qu'il lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait? Plus de 100 fois dans la journée, il demandait pardon à Allah et il se repentait. Donc ça prouve bien que il avait des péchés dont il fallait se repentir et dont il fallait demander pardon. Maintenant, quel péché? Allah ne nous a pas précisé. Mais on ne doute pas que c'est les péchés les plus mineurs qui puissent exister. Par contre, on sait que parfois, dans le Coran, Allah a fait des reproches au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur certaines de ses réactions ou sur certaines de ses décisions. Donc par exemple avec la bataille de Badr, sur le qu'est-ce qu'il fallait faire des prisonniers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une décision et Allah lui a dit dans le Coran ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. C'est-à-dire Allah lui a reproché cette décision. Également quand il était en train de faire da'wa à quelqu'un qui était riche et qu'un aveugle, Ibn Ummi Maktoum, qui allait devenir un grand sahabi, est venu l'interroger sur l'islam. Et qu'est-ce qu'il a fait? Abassa wa tawalla. Il a froncé les sourcils et il s'est détourné. Parce qu'il voulait que ce soit le riche, le puissant qui rentre dans l'islam pour l'intérêt de l'islam. Allah a révélé une sourate pour lui reprocher. Et le troisième passage également, c'est quand il voulait se marier avec Zainab, qui était la fille, la femme de son fils adoptif Zayd, et que ça n'allait pas entre eux. Et quand Zayd est venu lui demander conseil, il s'est forcé à lui dire, garde ta femme. Parce que comme s'il divorçait, lui, il aurait voulu se marier avec elle, il avait peur que les gens disent, il lui a dit de divorcer pour se marier avec elle. Donc Allah lui a dit, tu as craint les gens alors qu'Allah est plus digne que tu ne le craignes. Et après, Allah lui a fait épouser cette femme, Zainab. Donc on voit des passages où ben ça montre le côté humain. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'humain, il était humain. C'est-à-dire il dort, il tombe malade, il oublie, et parfois il prend des décisions où il se trompe et Allah lui corrige cette décision. Ou alors il a une réaction et Allah lui corrige cette réaction. Mais ça, on les compte sur les doigts de la main. C'est-à-dire, il y a l'exemple des prisonniers de Badr, il y a l'exemple avec l'aveugle, et il y a l'exemple avec Zainab. C'est ça les exemples qu'on peut citer. Et sinon, voilà. Donc Allah lui a promis de lui pardonner ses péchés. Également, dans les hadiths, il y a quelques allusions à ça aussi. Par exemple, dans un hadith, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, que quand vous venez pour que je juge entre vous, ba'dukum alhanu min ba'd. C'est-à-dire, certains d'entre vous parle mieux que d'autres. Et donc il arrive que je tranche en faveur de quelqu'un alors qu'il est en tort, parce qu'il a mieux su se défendre. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que quand il jugeait, est-ce qu'on peut connaître ce qu'il y a dans le cœur des gens? Lui, il juge selon les preuves, selon les témoignages, c'est-à-dire selon des choses apparentes. Et les choses apparentes, parfois, elles peuvent mentir. Quelqu'un, il peut mentir dans son témoignage, quelqu'un, il peut déguiser un peu les choses, arrondir les angles. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, il arrive que je tranche en faveur de celui qui a tort, parce que vous déguisez les choses. Il dit, mais celui en faveur de qui j'ai tranché, qu'il ne prenne pas le droit de son frère, parce que c'est un morceau de l'enfer, un morceau de feu. C'est-à-dire, il les prévenait, si jamais vous avez fait ça devant moi et que j'ai tranché pour vous alors que vous êtes en tort, ne prenez pas le haqq de votre frère. Ne prenez pas ma décision en compte. Parce que vous savez, entre vous et Allah, que c'est faux. Donc, pour montrer que de ce genre de point de vue-là, il n'était pas infaillible, il était humain. Maintenant, en tant que prophète et en tant que transmetteur, est-ce que là, il peut se tromper? Est-ce qu'il peut dire, ah, ça, c'est une sourate, mais en fait, ça n'en est pas une, etc. Non, là, il est infaillible, sans aucun doute. Donc, Allah dit ensuite, donc il lui dit, nous t'avons ouvert la poitrine. Nous t'avons débarrassé de ton péché qui faisait plier ton dos. Le Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, quand il explique ce verset, il dit, regardez, les péchés du prophète dont on ne sait même pas ce que c'était, Allah en a dit, Allazi anqada dhahraka. Alors, que dire de nos péchés à nous? Les péchés du prophète, on ne sait même pas ce que c'est. Tellement, si tu lis sa vie, tu ne vas pas en trouver. Pourtant, Allah dit, ils font plier ton dos. C'est-à-dire, si Allah ne te les pardonnait pas, eh ben, toi-même, tu serais condamné. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, que dire de nous? Ça prouve qu'il faut être comme lui, à toujours demander pardon à Allah, à toujours se repentir, et ne jamais croire que ça y est, on a gagné et qu'on est à l'abri. Et le troisième bienfait qu'Allah lui a cité ici, et nous avons élevé zikrak, c'est-à-dire ta mention, ton nom. Les salafs, ils expliquaient ça comment? C'est que, par exemple, quand on dit on veut entrer dans l'islam, qu'est-ce qu'on dit? Ashhadu an la ilaha illallah. Bon, je témoigne qu'il n'est de divinité qu'Allah. Après, on va parler de Muhammad. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'adhan, le muadhin, il crie Ashhadu an la ilaha illallah. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Quand le khatib il commence une khutba, soit il va dire la shahada, ou soit il va prier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on commence un cours, etc., avant de faire un acte de mariage. Donc tout ça, c'est une façon dont Allah a élevé le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les jours, combien de gens prient pour le prophète et mentionnent le prophète en bien, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la sourate dit, enfin le verset dit, c'est-à-dire elle passe à un autre sujet, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Et le verset d'après dit, certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Et là, certains savants ont retiré quelque chose de ces deux versets, qui est de dire, avec une facilité, une difficulté, il y a toujours deux facilités. Pourquoi ? Parce que l'usr, la difficulté ici, elle est avec alif et lam. Elle est ce qu'on appelle ma'arifa. Donc si je te parle, et on parle d'une voiture par exemple, et je dis as-sayyara, la voiture, et je parle, et je refais une phrase et je redis la voiture. Et je fais 1000 phrases et je dis 1000 fois la voiture. J'ai parlé de combien de voitures ? D'une, parce que je dis la voiture. Mais si je dis une voiture, j'ai vu une voiture, je fais une autre phrase, j'ai acheté une voiture, je fais une troisième phrase, je suis passé devant une voiture. J'ai parlé de combien de voitures ? Trois voitures. Donc ici, Allah a dit, inna ma'al usri. Avec la difficulté, il y a yusra, pas al yusr. Une facilité. Le verset, il se répète, inna ma'al usri, donc c'est toujours la même difficulté. Yusra, une facilité, donc une deuxième. Et il y a un hadith mursal, comme ça, qui existe. Un hadith mursal, c'est-à-dire que c'est un tabi'i, qui dit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, la yaghlibu usrun yusrayn. Une difficulté ne peut pas battre deux facilités. Ça, qu'est-ce que ça signifie? Donc ce verset, en fait, c'est une bonne nouvelle de la part d'Allah. Au prophète et aux gens en général. C'est que la vie, elle est faite de difficultés et de facilités, mais la difficulté, elle dure, elle n'est jamais éternelle. Elle est toujours suivie de deux facilités. Donc ça, c'est un verset qu'il faut toujours se rappeler quand on est dans des passages difficiles. Ça ne veut pas dire que le passage difficile, il va durer qu'une heure. Les passages difficiles peuvent durer longtemps. Regardez l'histoire de Youssouf, alayhi salam. Combien d'années elle a duré son épreuve? Il n'a pas vu son père, il n'a pas vu ses frères, etc. Et il a été abandonné, il a été ramassé par des étrangers. Donc ça a duré des années. Il était enfant, ensuite il est devenu adulte. Mais à la fin, tout ce qu'il a eu comme honneur et comme plaisir, ça lui a effacé toutes ses épreuves. Donc, qu'on sache qu'avec la difficulté, il y a toujours deux facilités. La difficulté n'est jamais éternelle. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Donc encore une fois, le verset commence par fa, pour lier avec ce qui est avant. Donc, إِذَا فَرَغْتَ, quand tu es libre, فَرَغَ, c'est-à-dire être dans le فَرَغ, dans le temps libre. Libre de quoi ? Libre de ses obligations. Donc là, le verset s'adresse au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu es libre, c'est-à-dire quand tu es dégagé de tes obligations, quand par exemple, il était en guerre contre ses ennemis et que la guerre est finie. Quand il est avec sa famille, il accomplit ses devoirs et il a fini ses devoirs. Quand il fait quelque chose pour gagner sa vie et qu'il a terminé, qu'est-ce qu'Allah lui dit ? Fansab, fatigue-toi. Il n'a pas dit repose-toi. Quand tu as fini tes occupations, maintenant, insab, fatigue-toi. Wa ila rabbika farghab. Et vers ton Seigneur, irghab, c'est-à-dire aspire vers ton Seigneur, c'est-à-dire fais des efforts et place ton espoir en Allah, fais quelque chose pour et adresse tes demandes à Allah. Rariba ilallah, c'est quand tu dis rariba ilallah, c'est-à-dire adresser ses demandes à Allah, adresser ses prières à Allah, insister, et que c'est de se tourner vers Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit, on voit comment Allah l'a éduqué, c'est-à-dire l'éducation la plus haute. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est dégagé de ses obligations, il ne lui a pas dit de se reposer. Il lui a dit, maintenant fatigue-toi dans l'adoration d'Allah, et dans les prières et dans les du'as, etc., etc. Et effectivement, c'est ainsi qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il faisait tous ses besoins, ses obligations, que ce soit la vie d'ici-bas ou religieuse. Et est-ce qu'il avait du temps libre ? Il n'avait pas de temps libre. Le temps libre qu'il avait, bah, il priait, il faisait des du'as, il récitait le Coran. Aïcha, qu'est-ce qu'elle disait ? Quand elle était assise, il s'allongeait, il mettait sa tête ici et il récitait le Coran. Donc ainsi était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une qudwa qu'on doit également, dont on doit s'inspirer. C'est-à-dire essayer de, dans le temps libre, le temps libre, il faut en profiter pour la récitation du Coran, les invocations, le dhikr, les prières surérogatoires, ce genre d'adoration qui sont entre toi et Allah. D'ailleurs, pour la faïda, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans le livre dont je vous parlais tout à l'heure, il a cité tous les hadiths qui parlent des nawafil du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il disait que le wird, c'est-à-dire le quotidien du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était à peu près 40 raka'a. 17 raka'a obligatoires, 10 ou 12 raka'a la journée, avec le 2 avant le fajr, 2 ou 4 avant le dhuhr, 2 après le dhuhr, 2 après le maghrib, 2 après l'isha, et 11 ou 13 raka'a la nuit. C'était ça son wird quotidien. Sans compter que parfois il pouvait faire doha, parfois il pouvait faire 2 raka'a pour s'asseoir dans la mosquée, et ainsi de suite. Mais bien sûr, ces raka'at, elles étaient longues. Donc le nombre, il paraît raisonnable, mais la façon dont il les faisait, ça c'est quelque chose qui est plus difficile à faire. On va s'arrêter là donc pour le tafsir. Donc la semaine prochaine, on part à la sourate Amma. On a fini ce hizb. Le quotidien, c'est le weird. Weird. En fait, weird, c'est une action que tu prends l'habitude de faire, qui n'est pas obligée. Par exemple, tous les jours, je récite un hizb du Coran. Ça, on appelle ça un weird. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ou alors, je fais les afkars du matin, par exemple. Ça s'appelle un weird. Par contre, là, on a fait l'eau, je crois. Non? J'ai commencé à quelle heure? À 2h30. J'ai l'impression que ça fait 1h30 que je parle. Bon, de toute façon, le fiqh, c'est assez facile. Ça va le faire, vous ne trouvez pas de difficulté, j'espère. Vous pouvez le dire. Donc la dernière fois, on avait parlé du roussel. Et quelles sont les choses qui obligent le roussel? Donc on avait dit, c'est la pénétration de l'homme dans le sexe de la femme, ou alors l'éjaculation. Ensuite, il dit, ça on l'a fait. Shorot al-Rusl. Shorotuhu sab'a. Les conditions du Rusl. Quelles sont les conditions du Rusl pour qu'il soit valable? Donc là, il n'y a rien de très compliqué. À partir du moment où on l'a fait pour le wudu, pour le Rusl, c'est facile. Donc il dit inqita'u ma yujibu al-Rusla, mithla khuruj al-haydi aw nuzul al-mani. Ça, c'est logique. Il faut que la chose qui sort, qui oblige le Rusl, elle est finie de sortir. Quel est l'exemple de ça? L'exemple des règles. La femme, il faut qu'elle attende bien que ses règles soient interrompues pour faire le rousse. Parce que c'est la sortie du sort des règles qui oblige le rousse. Donc il faut bien que ça s'arrête. Par contre, ici, je peux préciser une chose. Parfois, il arrive que l'homme, quand il a un rapport avec sa femme, donc il a terminé, il fait sa douche et il y a du liquide qui continue de couler. Mais ce liquide, donc est-ce qu'il doit refaire le rousse ou le wudu? Le wudu seulement. On a dit le rousse, c'est. Il est obligé avec l'éjaculation, c'est-à-dire quand le sperme y sort. Déjà, ce liquide qui sort après, c'est des restes, et il ne sort pas avec une éjaculation. Juste, c'est des restants qui coulent. Donc ça ne demande que le wudu. Ensuite, deuxièmement, il dit an-niyya, l'intention. Donc quelle est l'intention quand on fait le roussel? Comme on a dit la dernière fois, bah, c'est d'enlever le hadath, ou d'être tahir, on peut l'exprimer de plusieurs façons. Ou alors mania, c'est que ça c'est le rousl que la religion elle m'a dicté. Ou mania, c'est que je dois faire ça là. Donc la nia, ça peut être de plusieurs façons. Par exemple, si je suis en état de janaba, comment on dit quand quelqu'un il est en état de janaba? Vous avez vu ça? Junub. Pour une femme, on dit junub. Et pour plusieurs, on dit au pluriel junub. C'est bien ce mot-là. Il ne change pas. Un homme, on dit junub, une femme, on dit junub, et au pluriel, on dit junub. Il est facile. Donc, quand quelqu'un il est junub, c'est-à-dire il a eu un rapport, il doit faire le roussel. Avant de faire le roussel, c'est quoi sa niya? Sa niya, ça peut être, voilà, je suis junub, je dois faire le roussel. Mais voilà, ça suffit comme niya. Ou alors, ben, je dois faire la prière, donc je fais le rousl. Voilà, il ne faut pas trop se torturer dans la niya. Mais il faut la niya. C'est-à-dire, si quelqu'un il est djounoub et il part jouer au foot, il revient, il prend sa douche, il se nettoie. Puis une fois qu'il finit sa douche, il se dit « Ah ouais, fallait que je fasse le rousl, je suis djounoub. Ah ben c'est bon, je vais prendre ma douche du foot. » Ça part, ça passe ou pas? Ça passe pas. Parce qu'il n'avait pas la niya du rousl religieux quand il s'est lavé. Il avait juste la niya de se nettoyer. Donc ça passe pas. C'était pas un acte religieux. S'il mélange les deux, c'est bon. Par exemple, il savonne, puis au moment de se rincer, il dit « Là, je fais le rousl. » Parce que l'eau, elle va passer sur moi. Là, j'ai la niya que maintenant, je fais le rousl. Puis en même temps, il en profite pour se rincer. Il n'y a pas de mal. Là, c'est bon. Mais en tout cas, il faut la niya avant de faire passer l'eau sur tout son corps. Ensuite, il dit « Al-Islam, al-Aql, al-Tamiz. » Ça, on avait expliqué. Le fait d'être musulman, d'être saint d'esprit, d'être mumayyiz, c'est-à-dire avoir plus de 7 ans. Ensuite, al-ma ou tahor ou mubah, comme pour l'eau, il faut que l'eau elle soit licite et qu'elle soit pure. Wusul al-ma ila al-bashara, et que l'eau arrive à la peau. Donc ça, c'est l'obligation du rousl en fait. C'est-à-dire il faut bien que l'eau passe sur tout le corps. C'est ça le qui est demandé dans le rousl. On va le voir par la suite. Ensuite, il dit wajibul rousl, l'obligation du rousl. C'est-à-dire qu'est-ce qui est wajib? Il dit wajibuhu at-tasmiyah. Il dit la seule obligation du rousl, donc la seule wajib, parce que dans le rousl et dans le wudu, on fait la différence entre wajib et fard. Les deux en français, on traduit comment? Obligation. Mais pourquoi le fait de dire bismillah, on l'appelle wajib, et le reste, on l'appelle fard? On l'a expliqué ça déjà. Parce que bismillah, si jamais on l'oublie, c'est pas grave, c'est quand même beau. Donc ils l'ont pas mis avec le fard. Le fard, c'est vraiment, tu peux pas faire le rousl sans ça. Par exemple, si quelqu'un il fait sa douche, il oublie de laver un bras, est-ce qu'il peut dire ah bah j'ai oublié, c'est pas grave? Non, il faudra qu'il le lave ce bras. Donc c'est pour ça qu'ils ont appelé les deux de deux noms différents. Mais nous on va retenir, vous mettez dans votre truc là, que dire bismillah c'est juste recommandé, c'est pas obligatoire. Que ce soit dans le wudu, on l'a déjà vu, ou dans le rousl. Si on le dit, c'est bien. Si on ne le dit pas ou si on ne veut pas le dire, il n'y a pas de mal. D'accord? Comme pour le wudu. On peut considérer comme sunnah. Voilà, sunnah, mustahab. Parce que, en plus, dans tous les hadiths qui décrivent le rousl, à aucun moment il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit bismillah. Donc on peut dire simplement c'est recommandé, comme pour le wudu, mais sans plus. Ensuite, fardul rousl. Donc là, c'est vraiment les obligations du rousl. Il dit farduhu. Donc premièrement la niya, c'est-à-dire qu'il faut la niya, ça on l'a vu juste avant dans les conditions. Pour ceux qui suivent en arabe, c'est pas tonne. Tonne c'est une tonne d'orange si vous voulez, mais là c'est dhan avec un point. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ya'oum ici, ça veut dire qu'il nage. Ya'oum, c'est qu'il englobe Jami'a badanihi, tout son corps. Ça veut dire que tout son corps, et là c'est plus strict que dans le wudu. Dans le wudu, on avait dit, si j'ai une grosse barbe, il faut que je lave ce qu'on voit. Ben, est-ce que j'ai oublié de rentrer l'eau dedans pour que ça touche la peau? Non. Dans le rousl, oui. Il faut vraiment que ça touche tout le corps, tous les cheveux, etc. Donc même la peau qui est en dessous, des poils de la barbe qui est en dessous des cheveux, le cuir chevelu, etc. En dessous des aisselles, les plis en dessous des jambes, tout ça, ça doit être touché par l'eau. Il dit, et même l'intérieur de sa bouche et de son nez. Ça, c'est une mas'ala khilafiya, mais il vaut mieux retenir qu'on le fait, comme ça on est sûr et certain. Donc il faut faire tout le corps, la bouche, le nez. Et il dit une phrase intéressante à la fin. Il dit, ça c'est une phrase de fiqh, ça c'est intéressant. Il dit, et il suffit dans cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent, al-idrak, la connaissance, elle a plusieurs degrés. Le degré le plus haut, c'est ce qu'on appelle al-ilm, ou l'yaqin. C'est quoi l'yaqin? C'est quand tu es sûr d'une chose à 100%. Là, le tapis, il est bleu. Je ne peux pas avoir de doute sur ça. Mais parfois la connaissance elle a un degré qui est en dessous qu'on appelle al-dhan. Al-dhan, et on peut dire aussi al-dhan al-ghalib ou alors al-dhan al-rajih. Qu'est-ce que c'est? C'est, je ne sais pas en français comment ils disent dans les livres, mais c'est quand tu penses fortement que. Tu es presque sûr que. Donc tu ne peux pas dire que tu es sûr. Mais tu peux dire que tu es presque sûr. Eh bien, il y a énormément de règles dans le fiqh qui sont basées sur ça. Qui sont basées sur le dhan. Parce que parfois, tu ne peux pas être certain d'une chose. Vous avez compris? Il y a des, parfois, on ne peut pas être certain. Mais t'avoun, tu penches vers le fait que. Donc par exemple, ici dans le rousse, tu n'as pas des yeux derrière ton dos. Tu ne peux pas toujours être certain que chaque millimètre de ton corps a été touché par l'eau. Mais un van, il suffit. Heureusement, alhamdoulilah. Donc, si tu es arrivé à penser que c'est bon, là, l'eau elle a touché tout mon corps, ça suffit. Il ne faut pas que tu en sois sûr à 100%. Un van ou le ralib, c'est-à-dire 95%, ça suffit. On peut expliquer comme ça. Et ce van-là, qui veut dire être sûr à 80-90%, eh bien, on va le retrouver dans énormément de choses dans le fiqh. On va le retrouver. Ou souvent, Allah nous dit de nous baser, la religion nous dit de nous baser sur le van, pas le yaqin, parce que le yaqin, il est, dans certains cas, quasi impossible. C'est comme, par exemple, les hadiths. Je vous donne un autre exemple de van. Les hadiths. Quand on dit qu'un hadith, il est sahih. Est-ce que tu peux jurer par Allah que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ça? Il y a toujours une possibilité que un des rapporteurs qui est dans la chaîne de transmission, il s'est trompé. Tu peux jurer qu'il ne s'est pas trompé. Tu ne peux pas le jurer. Mais c'est un van ralib. C'est-à-dire à 90%, on pense que le prophète a dit ça. Donc on peut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Par contre, le Coran, lui c'est quoi le Coran? 100%. Parce que tu prends le Coran depuis 1400 ans, à l'est jusqu'à l'ouest, le Coran il est le même. Donc c'est à 100% on est sûr que c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a transmis en étant la parole d'Allah. Par contre les hadiths, les fuqaha ils disent quand on dit un hadith il est sahih, c'est-à-dire c'est un van rajih, c'est-à-dire on pense fortement, très fortement que le prophète l'a dit. Maintenant est-ce que ça peut être, c'est une certitude? Certains, on ne peut pas le jurer. Qui te dit que sur ce coup-là celui qui a transmis le hadith ne s'est pas trompé? On ne pourra jamais le savoir, ça. Donc sur quoi on juge? On juge sur les indices apparents. C'est-à-dire si un sahabi dit un hadith, ben, l'apparent, c'est quoi le truc qui ressort? C'est que c'est vrai, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, ça se trouve, il s'est trompé. Ça, on ne le saura jamais. Donc on se base sur l'apparent. C'est pour ça que c'est un van, c'est pas un yaqin. Certains savants ils disent que c'est un yaqin. Bon, ça c'est un débat. Mais je voulais juste vous expliquer le van. Quand on dit van rajih ou van ghalib, et le fait que ça a une place dans la religion. Il y a une grande partie de la religion qui est basée sur ça. C'est bon? Donc, nous, ce qu'on retient ici, surtout, c'est que le fard du rousl, après la niya, c'est que l'eau, elle doit passer partout. Waman nawa, très important cette phrase-là. Waman nawa ruslan masnounan, awajiban ajza'a ahaduhuma anil akhar. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a la niya d'accomplir un rousl. Masnoun. C'est quoi masnoun? Mustahab, c'est-à-dire recommandé, pas obligatoire. Exemple de rousl recommandé. Rousl Jumu'ah. Awajiban, ou un rousl obligatoire. Exemple de rousl obligatoire. Minal Janaba, quand on est Jumu'ah. L'un des deux suffit. C'est-à-dire, t'exempt de faire l'autre. Ça, c'est une question qui revient souvent, ça. Je suis au Jumu'ah, je suis Junoub. Est-ce que je dois faire deux rousses? Ou alors j'ai fait le rousse Jumu'ah, puis j'ai oublié que j'étais Junoub. Je n'ai pas pensé à ce moment-là. C'est bon. En fait, le rousse, pourquoi c'est bon? Parce que le rousse, c'est un acte religieux. On est d'accord? Quand tu fais le rousse du Jumu'ah, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Tu ne voulais pas juste être propre. C'est parce que c'est Allah qui a dicté de faire le rousse le jour du vendredi. Donc c'est un rousse le religieux. Eh bien, le rousl, quand tu as la niya de faire un rousl qui est religieux, ton hadath, c'est-à-dire ton état de janaba, il s'envole. Que tu le veuilles ou non. Tu n'as pas besoin de dire, je veux par mon rousl que ma janaba, elle s'en va. Non, ça, entre guillemets, c'est le rousl qu'il fait tout seul. Donc, à partir du moment où tu fais un rousl religieux, c'est bon. Donc, quand on est au Jumu'ah, quand on fait le rose du Jumu'ah, par exemple, si quelqu'un il a eu un rapport avec sa femme le matin, il peut avoir la niya que c'est le rose du Jumu'ah, ou la niya que c'est el rous minat janaba, ou les deux, il n'y a pas de problème. Parce qu'on peut mélanger la niya du wajib avec la, avec ce qui est recommandé quand c'est pour une même cause. Donc tu n'as pas besoin de le faire deux fois. ويكفي عن جنابة وحيض غسل واحد بنية واحدة. C'est غسل واحد, pas واحدة. Vous enlevez le tout. Donc il suffit pour la janaba et pour le haid de faire un seul ghusl avec une seule niya. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Imaginons la femme, elle a un rapport avec son mari à 15h. À 15h, ils ont fini, je veux dire. À 15h15, elle a le haid. Donc là, elle va avoir deux causes de ghusl. Al-Janaba, à la fois elle est Junub et à la fois elle est Ha'id, elle a ses règles. Donc dans 6 ou 7 jours, combien de rousses elle doit faire? Un seul. Encore une fois. Parce que le rousse, il lui enlève ce qu'on appelle Al-Hadathul Akbar, la grande impureté. Donc c'est comme si, par exemple, tu as un gaz et après tu vas uriner et après tu dors. Combien de wudu tu dois faire? Un seul. Tu ne vas pas en faire 3. Donc c'est la même chose ici. Parfois on peut avoir plusieurs causes de rousse, mais un rousse suffit. Ensuite il dit sunanul rousse, les choses qui sont recommandées dans le rousse. Il dit wa sunanuhu thamaniya, elles sont au nombre de 8. Lui il ne veut pas savoir sunanul rousse. Alors awalan at-tasmiya. Donc vous voyez ici, le livre, il se contredit. Parce que tout à l'heure, il a dit c'est wajib, et maintenant, il dit c'est recommandé. Tasmiya, c'est-à-dire dire bismillah. Thaniyan, al-bidayatu bi-izalatil adha. Commencer par se dégager de l'impureté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand l'homme il a un rapport avec sa femme, bah, il y aura des choses impures, des liquides, etc. Même parfois s'ils ne sont pas impurs, comme le sperme en l'occurrence. Mais c'est bien de les nettoyer avant de faire le rousse. Thalithan, ghuslul kaffayn qabla idkhalihima fil ina. Commencer par laver ses mains avant de les rentrer dans le récipient. C'est-à-dire commencer le rousse par laver ses mains. Donc on commence par ses parties intimes, après ses mains. Rabi'an, al-wudu'u qablahu. Quatrièmement, faire le wudu, les ablutions avant. C'est-à-dire on a lavé ses parties intimes, on a lavé ses mains, on fait le wudu comme si on allait faire salah, complet. Khamisan, at-tayamun. Cinquièmement, commencer par la droite, c'est-à-dire une fois qu'on va attaquer le corps, on commence par le côté droit et après on fait le côté gauche. Sadisan al-mu'ala. Al-mu'ala, on l'a déjà expliqué dans le wudu. C'est-à-dire que le rousse, il faut le faire en une fois. Je ne fais pas la moitié de mon corps maintenant et l'autre moitié dans 2 heures. Sabi'an imrarul yadi ala sa'iri jasad. Faire passer sa main sur tout son corps. C'est recommandé, c'est pas obligé. Pourquoi? Parce que ça permet d'être encore plus sûr que l'eau allait passer partout. Maintenant, si quelqu'un il me dit, moi je ne peux pas passer l'eau à tel endroit de mon corps sans passer la main, là ça devient obligatoire. Il faut bien comprendre. Ce qui est obligatoire, c'est que l'eau passe partout. Donc si tu peux faire passer l'eau partout sans faire passer ta main, c'est pas obligé de faire passer ta main, mais ça reste recommandé, parce que c'est une certitude en plus. Maintenant, si quelqu'un il dit, moi je ne peux pas passer l'eau sans passer la main, ben, il faut qu'il passe la main. Et thaminan, i'adatu ghusli rijlaini bimakan akhar, ça on va en discuter, il dit réitérer le lavage des pieds dans un autre endroit. Bon, ça, on va en discuter. En fait, avant de passer au chapitre suivant, on va expliquer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le ghusl, tout simplement. Donc il y a deux hadiths qui existent à ce sujet, celui de Aïcha et celui de Maymouna, radiallahu anhuma. Et les deux, ils sont dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim. La chose qui est importante à comprendre dans tout ça, ça c'est une question qu'on se pose souvent, c'est qu'à partir du moment où tu as mis la niya de faire le rousse, là tu dis ça et là je fais le rousse. À chaque fois que l'eau elle va toucher un endroit de ton corps, c'est cet endroit il est lavé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, comment il faisait en détail? Elles ont expliqué que d'abord il prenait de l'eau, elles ont expliqué même en détail. Elles ont dit avec la main gauche, il versait dans. Non, avec la main droite, il versait sur sa main gauche et il lavait ses parties intimes. Donc ici, question. Les parties Hatim, faudra les refaire ou pas? Non. Non. Le rousse, il commence là. Ça, c'est bon de le comprendre. Parce que des fois, on se demande, j'ai fait entre guillemets l'istinja, est-ce qu'il faut que l'eau, elle repasse à cet endroit-là? Si tu avais la niya du rousse au début, c'est bon. Là, c'est le rousse, il commence là. Donc, il commençait par laver ses parties Hatim. Après, il se nettoyait les mains. Et parfois, il frottait sur le mur, les murs en pierre, pour enlever les liquides qui pouvaient rester sur les mains. Ensuite, il faisait l'ourdeau complet. Donc, il faisait l'ourdeau complet, c'est-à-dire on lave trois fois les mains, trois fois la bouche, trois fois le nez, etc. Il faisait l'ourdeau comme s'il allait faire ça là. Donc, il lavait ses pieds. Après, il prenait de l'eau, il la mettait un peu sur ses cheveux, et avec ses doigts, il faisait rentrer l'eau dans ses cheveux. Aïcha l'a dit, hatta idha vanna annahu arwa basharatahu, jusqu'à bien à penser qu'il avait bien mouillé tout son cuir chevelu. Après, avec ses deux mains, il prenait de l'eau et il la versait trois fois sur sa tête. Donc d'abord, il faisait déjà sa tête avec ses doigts, pour la peau en fait, pour le cuir chevelu. Et après, il versait de l'eau sur sa tête, trois fois. Et avec ça, il avait toute sa tête. Après, il prenait de l'eau. Ensuite, elle a dit, ثُمَّ يَغْسِلُ أَوْ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى سَائِرِ جَسَدِ. Ils ont dit comme ça. C'est-à-dire qu'après, il prenait l'eau et il versait sur le reste de son corps. Donc, quand on dit le reste de son corps, faut refaire le bras ou pas? Non, non. Il a été fait dans l'eau d'eau. Donc, le bras a été fait dans l'eau d'eau, le visage a été fait dans l'eau d'eau, les pieds ils ont été faits dans l'eau d'eau. Donc, après, le hadith il dit, سَائِرَ جَسَدِ, le reste de son corps. C'est-à-dire à partir d'ici. Donc, après, il prenait de l'eau, il passait là. Donc ici, et sur ses jambes, et après le côté gauche, tout simplement. Et après, les savants, ils ont divergé sur les pieds. Est-ce qu'on les fait deux fois? Ou est-ce qu'on les fait qu'une fois? Avant de répondre à cette question, il faut toujours que vous gardiez à l'esprit ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que si tu fais l'ourdeau au début du rousse, et tu laves tes pieds, de toute façon, ils ont été lavés. Et ils sont tous d'accord que tu n'es pas obligé de les laver de toute façon. Parce que ça, ils ont été lavés. Après, il y a des savants, ils disent en fait, le mieux, la sunna, c'est de faire l'ourdeau en lavant ses pieds. Puis à la fin, tu les relaves à un autre endroit. Pourquoi? Parce que Maïmouna, elle a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, ثُمَّ تَنَحَّ فَرَسَلَ رِجْلَيْهِ. Puis il s'est écarté, تَنَحَّ, et il a lavé ses pieds. Oula. Mais ça, on peut l'expliquer comment? Il était comment le sol à leur époque? C'était de la terre. Donc imaginez-vous, quelqu'un il fait le rousse à l'époque, ses pieds ils vont être comment à la fin? Donc il veut les laver de nouveau, pourquoi? Pour à un autre endroit, parce que là, à cet endroit-là, la terre c'est devenu de la boue. Donc il les lave à un autre endroit. Et d'autres ont dit non, on ne cherche pas à comprendre. On l'imite comme il a fait. Et on lave à un autre endroit, et peut-être qu'il y a une hikmah autre. Donc il y a ces deux interprétations. Donc on revient à ce que je disais. En fait, il y a certains qui vont vous dire, les ulama, ils ont divergé sur l'interprétation de ces hadiths. Certains ont dit, en fait, il fait l'ourdeau, mais sans faire les pieds au début. Après, il fait son rousse, et à la fin, il fait ses pieds. Donc, en fait, il coupe son ourdeau, c'est comme s'il fait son ourdeau, mais il ne fait pas les pieds. Il fait son rousse, et à la fin, il fait ses pieds. D'autres vont dire qu'il fait ses pieds deux fois, c'est l'avis opposé. Il fait ses pieds une première fois, et il le fait une deuxième fois à la fin, à un autre endroit. Et d'autres, ils vont dire, comme je vous ai dit, tu fais l'ourdeau avec tes pieds, et à la fin, quand tu fais le rousse, tu ne refais pas tes pieds. Tu laves jusqu'à tes cheveux. Quoi que tu fasses de ces trois façons, c'est valable. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'à partir du moment où, ça y est, je veux faire mon rousse, ben ça y est, si tu fais tes pieds une fois, tes pieds ont été faits. Parce que c'est quoi le fard? Le fard, c'est que l'eau, elle passe partout. Donc le rousse, il a deux srifas. Le rousse, quand on dit srifa, qu'est-ce que ça veut dire? La description. Par exemple, il y a srifato lourdo, la description de lourdo, qu'on a oublié de faire d'ailleurs, mais bon, plus ou moins tout le monde connaît. Et ça, c'est un point qu'il a oublié le shir dans le livre, c'est de dire srifato lourdo et srifato lourousse. Parce que c'est une chose de dire les obligations du rousse, mais après, il faut nous expliquer concrètement comment il se fait le rousse. Donc, le rousse, il a deux façons. Une façon qui est sunna, c'est celle qu'on vient d'expliquer. Et une façon qui est fard. On dit sifatu ijza. Ijza, ça veut dire ça suffit. C'est quoi sifatu ijza? Ben, t'as la niya, tu fais ta bouche, ton nez et tu verses l'eau sur tout ton corps. Tu peux même commencer par tes pieds si tu veux. Tu commences par tes pieds et tu fais avec la douche d'en bas jusqu'en haut. Il n'y a pas d'ordre. Le fard, c'est que l'eau, elle passe partout. Maintenant, la question aussi que souvent les gens ils se posent, c'est si je fais le rousse minimum syndical, donc j'ai pas fait le roudou dedans, est-ce que je peux prier derrière? Tu peux prier. Parce que le rousse, il englobe l'oudou. Donc le mieux, c'est de faire l'oudou dedans, mais si tu ne le fais pas, t'es tahir. Donc tu peux prier derrière, même avec le rousse minimum. Et le rousse minimum, il existe dans les hadiths. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, parfois il disait, il expliquait aux gens de faire le rousse, et comment il leur expliquait, c'était le minimum. Par exemple, une femme, c'était, si je ne me trompe pas, c'était... Bon, j'ai oublié, je crois que c'est Asma bint Abi Hubaysh, mais j'ai oublié. Elle lui a demandé comment faire le rousse et comment il lui a expliqué, c'était ça. Il lui a dit, tu prends de l'eau, tu le verses sur ta tête et sur ton corps. Il lui a pas expliqué l'eau, d'eau, etc. Quand ils étaient une fois en voyage, dans un long hadith, il y avait un homme qui était djounoub. Il devait faire le tayammou. Après, ils ont trouvé de l'eau. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a pris de l'eau, il lui a dit, خُذْ هَذَا وَأَفْرِغْهُ عَلَى نَفْسِكَ. Prends ça et verse-le sur toi. Quand tu dis, quand t'entends, quelqu'un il entend, prends ça et verse-le sur toi. Est-ce qu'il comprend qu'il doit faire l'eau et tout ça? Non. Donc ça prouve que le rousse minimum c'est ça. C'est que tu verses l'eau sur tout ton corps. Et si tu fais ça, c'est bon. Donc le rousse il n'a pas de zikr spécial, ni pendant, ni après, si ce n'est de dire bismillah au début si on veut. Et on conclut avec makrohatul rousli. Yukrahu fil rousl, c'est-à-dire les choses qui sont déconseillées dans le rousl. El israfu fil ma, l'excès d'eau, ça on l'a déjà vu. El rouslu fil makan in najis, faire le rousl dans un endroit impur. Pourquoi? Pour éviter que l'impureté t'éclabousse. El irtisalu bila satirin min ha'itin wa nahwi. Donc c'est satir et non pas sa'ir. C'est une erreur de frappe. C'est-à-dire se laver sans quelque chose qui te couvre. Mais ça, qu'est-ce qu'on peut dire plutôt? C'est wajib en vérité, ça. Si tu crains que quelqu'un te voit, c'est obligatoire. Si tu ne crains pas que quelqu'un te voit, c'est recommandé. El irtisal ou filma irrakid. Et enfin, se laver dans de l'eau stagnante. Ça, c'est déconseillé. L'eau stagnante, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la baignoire et tout ça. Parce que la baignoire, elle va partir, l'eau. Donc, c'est pas de l'eau stagnante. L'eau stagnante, c'est comme, par exemple, une petite mare dans une forêt. Ce genre d'eau, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit... à déconseiller plutôt, on va dire, de faire le rousse dedans. Pourquoi? Parce que, si toi tu fais le rousse, le deuxième il fait le rousse, le troisième il fait le rousse, ça gâche l'eau pour les gens ou pour d'autres créatures qui voudraient en profiter. Et il restait un point, j'ai oublié. Ma yahrumu ala djounoub. Qu'est-ce qui est interdit pour être djounoub? Celui qui est djounoub, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire? Donc là, c'est facile, on répète. As-salah, on l'a déjà dit pour l'eau. At-tawaf. Tawaf ou bil Kaaba, on l'a déjà dit pour l'oudou. Massul mushaf wa hamluhu illa birila fihi. Toucher le Coran, on l'a déjà dit pour l'oudou. Mais là, il a oublié une chose en plus. Avec le Coran, c'est quoi votre avis? Qira'atul Coran. Réciter le Coran, c'est-à-dire sans le toucher. Par exemple, je mets le Coran sur l'ordinateur. Ou alors, je connais ma sourate par cœur. Si j'ai pas l'oudou, je peux la réciter ou pas? Je peux. Ce qui est interdit quand j'ai pas l'eau, c'est de le toucher, même si c'est pas pour le lire. Il faut faire une différence entre le toucher et le lire, le réciter. Je peux même le réciter sans Coran, de tête. Donc quand j'ai pas l'eau, je peux. On va commencer quand j'ai l'eau. Quand j'ai l'eau, je peux toucher le Coran et je peux le réciter, heureusement. Quand j'ai pas l'eau, je peux le réciter, mais je peux pas le toucher. Mais quand je suis djounoub, le hadaful akbar, j'ai le droit ni de le toucher ni de le réciter. Et ça, c'est le verdict des sahaba. C'est les sahaba qui disaient ça. Donc, l'écouter, tu peux. Mais pas le réciter. L'écouter, on peut. Ça, c'est Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui disait ça notamment. Et les quatre imams, les quatre madhahib, ils disent ça. Il n'y a pas de khilaf sur ce sujet. Il y a même des hadiths aussi dont on peut le comprendre. Ali ibn Abi Talib, il disait, radiallahu anhu, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. C'est clair ce hadith. Il dit rien n'empêchait au prophète صلى الله عليه وسلم de réciter le Coran sauf الجنابة. Donc le hadith il est clair. Quand il était en janaba, il ne récitait pas. Voilà. Le sujet qui est un peu plus compliqué, c'est la femme qui est haïd, qui a ses règles. Est-ce que, la question elle est comme ça. En fait, là je vous donne des éléments qui font que quand vous lirez d'autres livres, vous allez bien comprendre. Est-ce que la femme qui a ses règles, est-ce qu'on la regarde comme étant haïd seulement, et elle n'est pas djounoub? Parce qu'elle n'est pas djounoub, mais d'accord. Elle est haïd. Haïd, ça veut dire en période de règles. Et donc on dit, le Coran c'est interdit de le réciter pour le djounoub, mais le haïd, non. Donc elle peut le réciter. Ça, c'est pas la plupart des savants, mais certains, ils ont dit ça, dont Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il dit, la femme qui a ça, elle peut réciter le Coran. Il n'y a pas de mal. Où est-ce qu'on la regarde d'un autre point de vue, qui est al-hadathul akbar. C'est quoi al-hadathul akbar? La pureté majeure, la pureté qui demande de faire le ghusl. Donc, elle a al-hadathul akbar, comme le djounoub. Donc, est-ce qu'on dit le djounoub, il n'a pas le droit de réciter le Qur'an parce qu'il a le hadath ou l'akbar? Donc, la femme qui a ses règles, c'est pareil. Ça, c'est la majeure partie des ulama qui disent ça. C'est un peu plus logique. C'est-à-dire qu'elle a le hadath ou l'akbar, donc elle ne doit pas réciter le Qur'an. Si elle craint de l'oublier, réciter le Qur'an, ce n'est pas la seule façon. Tu peux l'écouter. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il disait à des sahaba de lui, réciter. Donc, si elle craint de l'oublier, elle peut l'écouter. Et selon la majorité des ulama, ça lui est interdit de le réciter. Ici, si l'enseignant. Ben, pareil. Pareil. Ouais. Après, il dit al-julus ou bil masjid, s'asseoir à la mosquée. Celui qui est junoub, il n'a pas le droit de s'asseoir à la mosquée. Et d'ailleurs, la femme qui est haïd, également, elle n'a pas le droit de s'asseoir à la mosquée. Ça, c'est écrit dans le Coran. Surat al-Nisa, ya ayyuha alladhina amanu, la taqrabu salata wa antum sukara. C'est quoi après? La taqrabu salata wa antum sukara. Subhanallah. J'aime pas quand on fait ça. Ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara. Subhanallah. Attendez, on va le trouver. Je la connais, hein, mais. En fait, quand on récite un verset dans un dar, c'est pas comme quand on le récite. Donc attendez 2 secondes. Voilà. Voilà, c'est ça. Ya ayyuha alladhina amanu, la taqrabu salata wa antum sukara. Ô vous qui avez la foi, n'approchez pas la sala. Et les mufassirim, ils expliquent sala ici, ça veut dire mawdi'u sala. L'endroit où on fait sala. Quand vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Ça, c'était avant que l'alcool il soit interdit, quand Allah a révélé ce verset. Wala junuban. De même, quand vous êtes junub, vous ne devez pas approcher la mosquée. Illa abiri sabil. Sauf si vous passez votre chemin. C'est-à-dire, si quelqu'un, par exemple, il doit venir dans la mosquée pour dire tiens, passe-moi les clés de la voiture, et il ressort, là, il peut. Ou alors il passe, il rentre d'une porte, il sort d'une autre. Là, il peut. Hatta tartasilu. Et la femme qui a ses règles également, la majorité des savants également disent qu'elle n'a pas le droit de rester à la mosquée. Cependant, l'imam Ahmed ibn Hanbal, et c'est le seul dans les 4 imams, l'imam Ahmed ibn Hanbal, à partir des athar, c'est-à-dire de ce qui est rapporté des sahaba, radiallahu anhu, il disait que si le djounoub il fait le wudu, il peut rester à la mosquée. Parce que c'est rapporté de certains sahaba. Quand ils étaient djounoub et ils voulaient rester à la mosquée pour parler avec d'autres, ils faisaient l'ourdo et ils s'asseyaient. Donc est-ce qu'on dit pareil pour la femme qui a ses règles? La femme qui a ses règles avec 2 conditions. Il faut qu'elle soit sûre que son sang ne souille pas la mosquée. Donc à notre époque, ça c'est facile. C'est pour ça qu'on voit que les savants d'avant, ils étaient durs sur ça. Parce que c'était pas facile comme maintenant. Maintenant, avec tous les vêtements qu'on a, c'est facile. Et la 2e condition, c'est qu'elle fasse l'ourdo. Donc si elle protège bien ses parties intimes et qu'elle fait l'ourdo, elle peut, selon l'avis de l'imam Ahmed, qui permet à celui qui a le hadith al-akbar de rester à la mosquée quand il a l'ourdo. Et selon la majeure partie des savants, non. Avec ou sans l'ourdo. Voilà. On passe au hadith. Donc on est toujours dans le chapitre de Az-Zuhd wal-Wara, le délaissement du bas monde et le qu'est-ce que j'avais dit, Wara déjà, le scrupule. Ma ja'a fi dhammi ta'alluq bid-dunya. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى أخرجه البخاري. Dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم dit, donc déjà il faut comprendre le premier verbe تعس. تعس, ils expliquent ça en arabe comme voulant dire tomber sur son visage. Mais le sens ici, qu'est-ce qu'il est? C'est une dua du prophète contre l'individu qui est décrit ici, sallallahu alayhi wa sallam. Contre ce genre d'individu. Donc ta'isa ici, c'est dans le sens khaba wa khasira. C'est-à-dire il est perdu et il a khaba wa khasira. C'est-à-dire il est voué à sa perte. Celui qui suit, de qui ça parle? Abd al-dinar wa al-dirham wa al-qatifa. L'abd. Abd, comment on peut traduire? L'adorateur ou l'esclave, le serviteur. C'est-à-dire l'esclave des pièces d'or, dina, des pièces d'argent, dirham, ou al-qatifa. Qatifa, c'est une sorte de vêtement. Et dans une autre version, il dit ou al-khamisa. En fait, c'est un peu difficile parfois dans les hadiths, les noms de vêtements. Les noms de vêtements, c'est une difficulté que moi-même, par exemple, je rencontre quand je lis. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas l'image, parfois on a beau avoir un descriptif. Par exemple, la différence entre Jubba, Kissa, Thawb, Qamis, Khamisa, Qatifa, Burda, c'est pas toujours évident. Quoi qu'il en soit, Qatifa, c'est une sorte de vêtement. Et c'est pas une sorte de vêtement qui était prisé à l'époque. Donc pourtant, on aurait tendance à penser ça. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé ici d'un vêtement banal. Donc il dit. C'est comme s'il disait malheur à l'esclave de l'or et de l'argent et des vêtements. Si on devait traduire en français, c'est un peu ça le sens. Malheur à l'esclave de l'or et de l'argent et à l'esclave des vêtements. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour qu'on comprenne, c'est qui Abd al-Dinar? Si on nous demande, c'est qui cet esclave, quel est l'esclave de l'or et de l'argent? Il a dit, si on lui donne, il est satisfait. Et si on ne lui donne pas, il n'est pas satisfait. C'est comme s'il a donné en même temps la définition. Qu'est-ce que ça veut dire? On lui donne. Parce qu'en arabe, le verbe c'est u'tiya. C'est el mabni lil majhoul. C'est ce qu'on appelle en français le passif. C'est-à-dire, quand on lui donne, on ne sait pas qui. On peut le traduire par deux sens. Allah, c'est-à-dire si Allah lui donne, c'est-à-dire il lui destine des biens, il est content. Et si Allah le prive, c'est-à-dire il lui destine la pauvreté, il est mécontent. C'est-à-dire contre Allah. Pas mécontent de la pauvreté, parce que c'est sûr que personne n'a envie d'être pauvre. On ne lui demande pas d'être heureux d'être pauvre. Mais il ne doit pas se rebeller contre Allah. Donc, Abd al-Dinar, c'est celui qui est tellement accroché à la dunya que quand il n'en a pas, autant qu'il veut, il en veut à Allah. Et il se rebelle et il se révolte contre Allah. C'est ça le sens. Et il n'est pas satisfait d'Allah. Alors que le musulman, normalement, le mu'min, il est satisfait d'Allah, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche. Il se dit, Allah il m'a destiné ça, eh bien c'est comme ça, et il est satisfait. Ça ne veut pas dire qu'il ne souffre pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas triste, qu'il n'aimerait pas être riche. Mais il est satisfait du décret d'Allah, c'est ça que ça signifie. Il ne se rebelle pas contre Allah, il n'en veut pas à Allah. Pourquoi? Parce que la dunya, elle n'a pas cette place, elle n'a pas envahi son cœur. Mais celui qui est soumis à la dunya, Abd al-Dunya, Abd al-Dinar, Abd al-Dirham, en fait il est tellement lié à la dunya que c'est la dunya qui le guide. S'il en a, il est content. S'il en a pas, il en veut à Allah. Et l'autre sens, on lui donne, ça peut être les gens. Ça peut être, par exemple, si on revient par exemple au contexte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, comme on a dit, il avait Baytul Mal, trésor public, donc il donnait aux gens. Et parfois, quand il y avait moins, il ne donne pas. Donc, Abd al-Dinar, s'il reçoit, on va dire, de la part des dirigeants, il est satisfait. Et s'il ne reçoit pas, il est mécontent contre eux, et du fait de ne pas recevoir. Alors que c'est parce que c'est la circonstance. C'est parce qu'il n'y a pas dans les caisses. Vous avez compris? Donc ça peut être quand Allah lui donne ou le prive, ou quand les responsables, notamment les dirigeants, lui donnent ou le privent. Ça peut être une femme aussi avec son mari. Elle est à la maison, son mari travaille. Quand il a, il lui donne, elle est contente. Quand il n'a pas, il ne peut pas lui donner plus que ça. Là, elle est tasrat, elle est en colère, elle se rebelle. Mais ça rentre aussi dans ça, dans Abdul Dunya. S'il n'a pas, il n'a pas, qu'est-ce qu'il va faire? Oui. Ah, le premier, c'est pire. Ah, le premier, c'est contre Allah, donc c'est pire. Mais les deux, parce que c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa façon de s'exprimer, elle est hakima. Il a dit in u'tiya. Comme ça, ça englobe toutes les soirs, tous les cas de figure. Donc en fait, ce hadith, il nous exhorte à ne pas être trop derrière la dunya. Et à faire attention à ce que la dunya, elle entre dans ton cœur au point de devenir celui dont il a dit abdud dunya. Il ne faut pas devenir comme ça, de point à être téléguidé par dunya. Et que tes sentiments ils soient téléguidés et dictés par dunya. Si tu en as, tu es content, et si tu n'en as pas, tu es triste. Le hadith suivant, il dit al-hathu ala qisari al-amali fi dunya. En fait, le cheikh Abdullah al-Fawzan, dans son explication, il a mis des sous-titres avant chaque hadith. Là, comme titre, il a mis l'encouragement à ne pas avoir de trop longs espoirs dans la vie d'ici-bas. C'est-à-dire ne pas se dire que la mort est proche, penser à la mort, dans ce sens-là. Donc là, il a cité un hadith qui est très connu, et qui résume, tout. An ibn Umar radiallahu anhuma qal, akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi mankibi. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris mon épaule, et dans une version il a dit bimen kibayya, il a pris mes épaules, c'est-à-dire il était comme ça, il l'a pris comme ça. Donc ça c'est Abdullah, le fils de Omar ibn al-Khattab, qui était jeune, il était très jeune à l'époque du prophète, puisque à la bataille d'Uhud, quand il a voulu participer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas laissé parce qu'il était trop jeune. Il avait moins de 15 ans à ce moment-là. Donc c'était un jeune homme. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par les épaules et lui a dit كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Sois dans cette dunya, dans ce bas monde, comme si tu étais un étranger ou quelqu'un qui passe son chemin. Quelqu'un qui passe son chemin, ça veut dire un voyageur. C'est-à-dire, soit quelqu'un qui se suffit de ce qu'il a, soit quelqu'un qui se contente de ce qu'il a et qui ne cherche pas plus que ce dont il a besoin. Mais pourquoi il a dit كأنك غريب أو عابر سبيل, comme si tu étais un étranger ou un voyageur? Donc d'abord, pourquoi un étranger et un voyageur? Parce qu'un étranger, généralement, comme ce n'est pas le pays qui est le sien, il ne compte pas s'y installer, donc il ne va pas chercher à construire une maison, à amasser des biens, par exemple. Et le voyageur, lui, c'est plus profond que l'étranger. Lui, vraiment, il ne fait que de passer. Alors que l'étranger, il peut s'installer un moment. Mais Abir Sabil, ça veut dire que celui qui est seulement en train de passer dans cette ville. Donc en fait, c'est deux degrés différents. Soit dans la vie d'ici-bas comme un étranger, ça c'est un degré. Ou Abir Sabil, c'est un degré plus haut encore. Parce que Abir Sabil, lui, il en veut encore moins que Gharib. Gharib, il peut s'installer un mois dans un pays et il va faire du commerce, etc. Ou même se marier, par exemple. Mais Abil Sabil, lui, il n'a pas le temps. Lui, il s'en fiche de ce qui est autour de lui. Lui, ce qu'il pense, c'est continuer sa route. Donc, c'est comme s'il nous disait, pensez à continuer votre route vers l'Akhira. Comme si autour de vous, là, c'était juste un passage. Et donc, vous prenez ce dont vous avez besoin juste pour continuer. Ça, c'est la définition même du Zuhd. On l'avait dit la dernière fois. C'est de se contenter de ce qui va être utile pour l'au-delà. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول et Abdullah ibn Umar disait, donc ici on a à la fois un hadith et un ce qu'on appelle un afar. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, quand tu es au soir, n'attends pas le matin. C'est-à-dire œuvre en te disant je serai pas là demain matin. Et tu fais les œuvres qui correspondent au soir. C'est-à-dire salat al-maghrib avec 2 rak'a, salat al-isha avec 2 rak'a, qiyamul layl, le witr, les afkars de la nuit. C'est ça que ça signifie. Fais les œuvres de ce moment-là. Ne te dis pas, bah, je les rate maintenant, je les rattrape plus tard. Fais comme si tu n'étais pas là demain matin et tu œuvres conformément au moment où tu es. Et quand tu es au matin, n'attends pas le soir. C'est-à-dire, œuvre comme si tu n'allais pas être là après le coucher du soleil. N'attends pas, ne te dis pas après. récite ton Coran maintenant, fais tes azkar maintenant, fais ta prière du fajr à l'heure, etc. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَامِكَ. Il dit, et prends une partie de ta santé pour ta maladie. C'est-à-dire, profite quand tu es en bonne santé avant de tomber malade. Parce que quand tu tomberas malade, tu seras empêché de prier, réciter le Coran, etc. comme tu pouvais le faire avant. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. Et prends une partie de ta vie pour ta mort. C'est-à-dire, consacre une partie de ta vie à te sacrifier et à la réserver pour quand tu ne pourras plus œuvrer. C'est-à-dire, une fois que tu seras mort. أَخْرَجَهُ Al-Bukhari, ça c'est rapporté par Al-Bukhari, donc c'est un hadith très fort, très profond. Et on peut citer ici une parole, il a cité une parole de Ibn al-Jawzi. Donc Ibn al-Jawzi, à ne pas confondre avec Ibn Qayyim al-Jawziya. C'est deux savants différents. Deux savants différents, et en plus qui n'ont pas la même valeur dans l'aïn. Ibn al-Qayyim, il est au-dessus d'eux, c'est pas la même chose que Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres, mais dans lesquels il y a beaucoup de... Les savants, ils ont fait beaucoup de remarques sur tous ces travaux. Ce n'est pas la même chose. Alors qu'Ibn al-Qayyim, il n'y a quasiment rien à dire sur son œuvre, sur ce qu'il a fait. Donc il disait, Ibn al-Jawzi, il a beaucoup de paroles dans l'exhortation, de belles paroles. Je vous la lis en arabe. I'lam annahu qad yakunu al-insanu sahihan wa la yakunu mutafarriran lil-ibadati li-ishtighalihi bi-asbab al-ma'ash. Il dit, sache qu'il se peut que l'être humain soit en bonne santé, mais il n'a pas le temps pour l'ibada, parce qu'il est occupé à gagner sa vie. Et il se peut qu'il ait du temps libre, mais qu'il ne soit pas en bonne santé. Il dit, si les deux, l'être humain il a les deux, la santé et le temps libre, et qu'ensuite il est trop fainéant pour naïlul fada'il, c'est-à-dire pour acquérir toutes les choses méritoires, faire des bonnes œuvres, fadalik al-rabn, c'est ça l'arnaque. L'rabn, c'est l'arnaque. Quoi, l'rabn, c'est quand quelque chose, il fait 10 euros, quelqu'un il vient de la Chine, et je profite que c'est un Chinois, je lui dis, tiens, 50 euros. C'est de l'injustice, ça s'appelle l'rabn. Il dit, ben ça, c'est l'rabn. Tu t'es arnaqué toi-même en faisant ça. كيف والدنيا سوق الرباح والعمر اقصر والعوائق اكثر. Il dit surtout que la vie d'ici-bas c'est le marché pour gagner des bénéfices, sachant que la vie elle est courte et que les obstacles sont nombreux. Donc ça veut dire quand tu as l'occasion, il faut la saisir. On passe au hadith suivant qui est court mais qui va demander quelques explications. Il dit Ibn Omar رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. Dans ce hadith, donc le hadith dit, من تشبه بقوم, celui qui ressemble à des gens. Pourquoi j'ai traduit des gens et j'ai pas traduit par un peuple? Parce qu'à la base en arabe le mot qawm ça signifie des gens, une dizaine de gens. Et dans l'arabe moderne, comment on emploie le mot qawm? Souvent, un peuple. Mais à la base, le qawm, ça peut vouloir dire un peuple. Par exemple, quand parfois le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il parlait à un sahabi, il lui a dit, qawmuk, il voulait dire par là ta tribu. Pas ton peuple, les arabes, mais ta tribu. Et sinon, qawm, ils disent, dans la langue arabe, qawm, ça veut dire une dizaine d'hommes. C'est ça, qawm. Pas de femmes. Si c'est des femmes, on dit autre chose. C'est pour ça qu'Allah dit, la yaskhar qawmun min qawm, wa la nisa'un min nisa. En fait, le premier veut dire que des hommes ne se moquent pas d'un autre groupe d'hommes et que des femmes ne se moquent pas d'un autre groupe de femmes. Donc le hadith, il dit « Man tashabbaha » celui qui ressemble. « Tashabbaha » c'est quand tu ressembles volontairement. Tu te fais ressembler. « Man tashabbaha biqawmin » celui qui ressemble à des gens. « Fahuwa minhum » il en fait partie. Ce hadith, la plupart des savants du hadith, ils disent qu'il est da'if. Mais malgré qu'il soit da'if, pourquoi il est intéressant? Parce que il est court et il résume un sujet qu'on appelle at-tashabbuh, le sujet du tashabbuh dans l'islam. Et le sujet du tashabbuh, c'est un sujet sur lequel il y a l'ijma entre les fuqaha. Tous les fuqaha de l'islam, ils interdisent at-tashabbuh, mais at-tashabbuh biman, tashabbuh bil kuffar, wa également al kuffar wal fussa. C'est-à-dire le fait de ressembler volontairement aux non-musulmans. Mais là, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et ils disent aux non-musulmans, aux hérétiques, aux pécheurs, al-fussar, etc. Donc là, je vais vous lire quelques phrases sur ce sujet, parce que tout résumé en français, ça va être difficile, je préfère les lire. J'attends que l'autre ici s'en aille. En fait, le shir, il a essayé de résumer que veut dire attachabou. Il a dit Houa takallouful muslimi, mushabaha tagirihi min al kuffar, awil mubtadi'a, fima houa min khasa'isihim, min ibadat ou adat. La définition, mashallah, il a tout mis dedans. Il a dit c'est le fait takallouful muslim, c'est-à-dire que le musulman se force, fasse exprès, à ressembler au kuffar et au mubtadi'a, c'est-à-dire aux non-musulmans et aux hérétiques. Il n'y a pas quelqu'un qui est du quartier qui peut lui dire non. Non. Les jeunes, ils sur l'ordi, ils vont arrêter. Hein. Bon. Je ne suis pas d'ici, je ne vais pas me risquer. On a dit dernier Nasser tout à l'heure. Donc il dit, il a bien dit, Fima huwa min khasa'isihim. Dans ce qui relève de leur particularité. C'est-à-dire pas dans les choses qui sont communes à tout le monde, dans ce qui est propre à eux. Et il a dit, min ibadat aw adat, que ce soit dans les choses religieuses, les ibadat, c'est-à-dire les prières, etc., ou les adat, c'est-à-dire les habitudes vestimentaires, culinaires, etc. Donc c'est ça la définition. Mais ce qui est important dans la définition, pour ne pas faire n'importe quoi, c'est qu'il faut retenir la phrase, min khasa'isihim, dans les choses qui sont propres à eux. Donc je vous donne un exemple, des exemples un peu balourds, mais bon. Par exemple, la mode punk, par exemple. Ça vient pas des musulmans, ça. Porter une croix. Ça, c'est propre à ceux qui disent Allah est le troisième de trois. Donc t'as pas le droit de faire ça. Etc. Et également, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est quelque chose qui peut varier d'une époque à l'autre. Par exemple, Ibn Hajar, rahimahullah, l'auteur de Bulugh al-Maram, il disait qu'à son époque, un vêtement qu'on appelle At-Tayalisa. Tayalisa, c'est un vêtement, je ne connais pas trop sa description, mais je sais qu'il se pose sur la tête. Il commence par la tête, et après ça couvre. Et ça, c'était, à l'époque, c'était le vêtement des juifs, propre aux juifs. Mais par la suite, d'une façon ou d'une autre, il a commencé à se répandre chez les musulmans. Donc une fois qu'il s'est répandu chez les musulmans, il n'était plus une marque des juifs. Donc les savants de l'époque l'ont permis. Ibn Hajar il disait, maintenant que ça s'est répandu chez eux, c'est permis. Donc c'est pas le vêtement en lui-même qui est interdit. C'est le fait qu'il soit la marque d'un groupe religieux, autre que les musulmans. Donc ça prouve quoi? Que le musulman il ne doit pas être comme ça, comme quelqu'un de soumis à d'autres mouvements, à d'autres philosophies, à d'autres religions, et qui est inférieur et qui cherche à les imiter. C'est ça surtout. C'est ça qui est interdit. Mais le fait que, par exemple, t'es comme ça, comme on disait l'autre fois, t'es en pantalon avec ton pull et ta chemise, ça c'est propre à personne, ça. Ça c'est commun à tout le monde. Donc il ne faut pas mélanger les choses qui sont propres et les choses qui sont communes à tout le monde. Les choses qui sont communes à tout le monde, il n'y a pas de problème. Par contre, les choses qui leur sont propres, et c'est d'autant plus grave quand ça touche à la religion. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait que vous allez suivre les traces de ceux qui vous ont précédé. Et les sahaba lui ont dit Al-Yahoud ou Al-Nasara. Il a répondu Faman. Il a dit, tu parles des juifs et des chrétiens? Il a dit, bah qui d'autre? Il a dit, même s'ils entrent dans un trou de lézard, vous allez faire comme eux. Est-ce qu'il l'a dit dans le sens positif ou négatif? Négatif, bien sûr. Et quand on regarde beaucoup d'égarements qui sont nés dans la Oumma, on voit que c'est une imitation de ce qui s'est passé chez les autres. Par exemple, quand certaines personnes ils disent que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a été créé de lumière. Ce n'est pas un être humain de chair et d'os. Ou alors qu'il connaît Lawh al-Mahfouz, ce qu'il y a dans la table gardée. Ça ressemble à qui ça? Ça ressemble aux chrétiens quand ils ont exagéré vis-à-vis de Issa. Issa, c'était un homme. Et eux, ils ont commencé à lui donner une nature divine, après dire que c'était le... Donc ça ressemble à ça. Si on regarde par exemple l'apparition du soufisme, on voit que le zuhd, l'ascétisme, le wara, il est dans l'islam. Mais est-ce que c'est quelque chose qui se distingue? Non, le prophète, il était comme ça, les sahabas, ils étaient tous comme ça, mais ils ne le montraient pas. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le zoud, mais ils ne se forçaient pas à le montrer. Ensuite, des gens sont arrivés qui ont dit, on va se forcer à mettre, sauf des vêtements de laine, et on arrête de mettre toute autre matière, parce que ça, c'est dur, et nous, on veut quelque chose de dur. Donc, ils ont commencé à inventer quelque chose. Et, ça, et après, ça a donné des choses du style des gens qui se mettent dans des minarets, ou des ils appellent ça zawaya, ils font des maisons entre eux, et ils restent dedans tout le temps. Et ils ne se mélangent plus à la communauté. Parfois même, ils ne se marient pas. Ça ressemble à qui, billah alaykoum? Ben, ça ressemble au moine, dans le christianisme. Rahbaniya. Allah dit dans le Coran, Allah ne l'a pas dicté le monachisme. Et Allah ne l'a pas dicté. Ou alors, par exemple, vous allez trouver chez certains le fait de faire ta'zib ou nafs, de se priver pour punir sa personne. Et de se priver de la dunya d'une façon au-delà de la raison. Moi, j'ai déjà lu dans des livres que je lisais avant, des livres écrits par des musulmans, où ça parlait d'ascètes musulmans, soi-disant, et qui se forçaient à manger un petit pois par jour, des trucs comme ça. Ça ressemble à qui, ça? Les bouddhistes, les hindous, c'est ça leur religion. Il va dans une forêt, il erre comme ça, à moitié nu, et il doit tellement... Leur religion, c'est d'être tellement dégagé de la dunya pour élever son âme. Ben, des gens, ils ont pris ça, ils l'ont mis dans l'islam, et avec la couleur islam. Mais est-ce que c'est ça l'islam? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas comme ça. Ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, ni Ibn Mas'ud, ni Ibn Abbas, ni Abu Huraira. Donc le pire, c'est quand ça touche à la religion. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ça, il était très dur. Par exemple, une fois, il y a un homme qui lui a dit, j'ai fait le vœu de sacrifier une bête à tel endroit. C'est-à-dire faire un sacrifice pour Allah, pour faire une aumône, mais à tel endroit. L'endroit, il s'appelait Bouana. Et avant de lui dire fais-le, parce qu'il n'y a pas de mal à faire un sacrifice et pour faire une aumône, et de faire le vœu, il n'y a pas de mal. Mais lui, comme il a précisé un endroit, le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé deux questions. Il lui a dit, est-ce qu'avant, il y avait une idole qui était adorée là-bas? Le sahabi, il a dit non. Après, il a dit, فَهَلْ كَانَ فِيهِ عِيدٌ مِنْ أَعْيَدِهِمْ. Est-ce qu'il y avait une fête des mouchriquines là-bas? Une fête ou une commémoration? عيد, on peut le traduire de plusieurs façons. Il a dit non. Il a dit, فَأَوْفِ بِنَذَرِكَ. Alors, accomplis ton vœu. Qu'est-ce qu'on en comprend? C'est que si c'était un endroit où avant, ils adoraient une statue, ou avant, ils commémoraient, ils avaient une commémoration polythéiste, ils lui auraient interdit. Pourtant, lui, il le fait pour Allah. Mais pour ne pas mélanger les deux. Donc, ça, c'est ça le sujet de Tashabbuh bil Kuffar. Mais maintenant, c'est un sujet... Bon, déjà, c'est un peu tabou. C'est normal, parce que c'est un peu sensible d'en parler. Mais quand on en parle bien, on peut en parler, parce qu'il ne s'agit pas d'agresser quoi que ce soit. Il s'agit de dire que le musulman, il est fier, et il ne mélange pas sa religion, et il ne se rabaisse pas, il ne cherche pas à imiter un autre groupe religieux. C'est ça qu'il s'agit de dire. Parce qu'il sait que sa religion, c'est la vérité, donc il n'est pas. Il n'est pas en mahlour, comme on dit. Il n'est pas en admiration et il ne suit pas autre chose, tout simplement. Et donc il ne va pas imiter des spécificités religieuses, surtout religieuses, d'un autre groupe religieux, tout simplement. Quand on le dit comme ça, et quand on y réfléchit, ben, tous les autres groupes religieux, ils le disent ça. Et parfois, ils font preuve de plus de fierté que malheureusement que nous maintenant. Eux, ils ne chercheraient jamais à nous ressembler. Va leur dire de faire l'Aïd. Eux, ils te disent de faire Noël. Va leur dire, bah vas-y, l'Aïd, tu viens, tu vas acheter un mouton, puis on va le faire ensemble. Qu'est-ce qu'il va te dire? Donc, il n'y a pas de complexe à avoir. Et aussi, tout le monde est comme ça. Chaque groupe, il est comme ça. Donc, Tashabbuh bil Kuffar, c'est un sujet qu'il faut bien comprendre, et qui existe dans l'islam, mais c'est un sujet qui est devenu... Les musulmans ne connaissent plus ce truc-là. Il n'y a personne qui en parle. Les imams, ils n'en parlent pas. Il y a très peu de chouyours qui en parlent, alors que c'est un des grands points dans l'islam. Et c'est quelque chose qui est dans la sunna, qui est dans le Coran, qui est dans les paroles des fuqaha, etc. etc. quand on lit un livre de fiqh, c'est un point qui revient dans plein de chapitres, dans Tahara, dans Salah. Par exemple, dans la Salah, dans la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait des positions parce qu'elles ressemblaient à la prière de tel ou tel groupe, par exemple. Par exemple, quand il a interdit de faire comme ça dans la salat, quand on est debout. Pourquoi ? Parce que les juifs, ils priaient comme ça. Donc, pour ne pas leur ressembler dans leur prière. Donc, malgré que ce soit un point fort établi dans l'islam, à notre époque, c'est devenu un sujet qui n'existe pratiquement plus chez les gens. Et quand on observe les gens, bah, ce tachabour le retrouve énormément, dans tout. Dès qu'une mode, elle sort, hop, les musulmans, ils vont sauter dessus. Un footballeur, il sort une coupe, les jeunes musulmans, ils vont faire la coupe. Les prénoms, au Maghreb, ils sont un peu préservés sur ça. Si vous allez dans le monde, dans l'Est du monde musulman, les pays arabes, ils donnent des prénoms Julie, Diana, à leurs enfants. Des prénoms des séries américaines, comme les jamères. Donc, il y a ces choses-là, elles existent. Être affolé derrière un drapeau, ça vient pas de l'islam. Ça vient des idéologies communistes, etc., etc. Bref, il y a énormément de choses qu'on retrouve dans le monde musulman qui ont été en vérité importées des autres groupes religieux, alors que l'islam, il ne prêchait pas ça. Et ça montre le manque de foi et le manque de fierté des musulmans qui se sentent toujours. Ils ont ce qu'on appelle l'azima, quoi. Ah. Ça, c'est quelqu'un de bois blanc. Je lui ai demandé. Allô? Salam alaikum, Morad. Ouais. Morad, écoute, je suis en cours là. Ouais. T'es où, s'il te plaît? Attends deux secondes, t'es où là? Ah, d'accord. Parce qu'il y a quelqu'un qui arrête pas de passer en moto, on s'entend pas dans le cours. Tu peux pas lui dire, non? Il y a quelqu'un qui arrête pas de passer en moto devant la mosquée, on s'entend pas du tout. Vas-y, merci. On dirait la mafia. Là. Il y a un pépin. C'est bon, il va s'en charger. Bon, on s'est un peu étendu avec ce sujet. Moi, je voulais faire encore d'autres hadiths, mais là, ça fait une heure et demie, je crois que je vais vous libérer. T'avais pas fini, en fait, le hadith à la base. C'est juste ça. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Donc, comme je vous avais expliqué, par exemple, les Arabes, les Sahaba, dans leurs vêtements, est-ce qu'ils étaient différents des mouchriquins de Mecca? Ils n'étaient pas différents. Mais si quelque chose était propre à eux, ils ne le faisaient pas. Par exemple, Abdullah ibn Amr, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a vu sur lui un thawb mu'asfar, c'est-à-dire avec une teinte spéciale, qui était connue que chez les Roms. Il lui a dit « Hadha min libas il kuffar, fala talbasaha ». Parce que ça, c'était propre à eux. Mais les choses qui étaient communes, c'était accepté. D'ailleurs, les vêtements qui portait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les Arabes autour de lui, les Sahaba, c'était pas fabriqué par eux. La plupart, ils venaient du Yémen et du Chem. Et au Chem, c'était des chrétiens. Au Yémen, c'était des juifs, des chrétiens, des polythéistes. Donc ça ne les empêchait pas de porter leurs vêtements. Et est-ce qu'au Chem, au Yémen, ils faisaient des vêtements exprès pour les Arabes en Médine? Non. Ça veut dire que c'était des vêtements que tout le monde portait. Même si c'est vrai que les Arabes, ils avaient leur identité, avec le hizar, avec le turban, etc., etc. Donc ce sujet, c'est un sujet qui existe, que malheureusement la plupart des musulmans, ils ont zappé, ils ont complètement ignoré. Mais à la fois, c'est pas un sujet dans lequel il faut exagérer jusqu'à faire comme certains, ils sortent avec un turban, etc. Ça, c'est pas ça qui est demandé. C'est pas ça qui est interdit. Le tachabou bil koufar, c'est pas ça. Ça, au contraire, ça c'est libas et shurara. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Ça, c'est mettre un vêtement qui te distingue. Tu tombes dans une autre interdiction qui est aussi valable que tachabou bil koufar. On va s'arrêter là, inshallah ta'ala. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.